Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo. Bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oh oui. Oh oui, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast. Comme à l'accoutumée, nous sommes extrêmement bien accompagnée. Tout d'abord, elle est comédienne et autrice. On a pu la voir entre autres dans l'excellente série Cheyenne et Lola ou dans le film Tapé Chaud. Elle est aussi animatrice du podcast On est chez nous et À bientôt de te revoir, qui est maintenant diffusé sur France TV/ carrément le service public, et sur le YouTube de France TV/. Le YouTube, sur le YouTube tout bonnement. Vous pourrez bientôt la découvrir dans Derby Girls saison 2 sur OCS et dans la série d'Ovidie des gens bien ordinaires pour Canal+, je crois. Exactement, Flo, bravo. SML, ce n'est pas que pour le syndicat des médecins libéraux. Le S est pour sang, le M pour mutinerie et le L pour love quand même. C'est Sophie Marie Laoui. Franchement, on m'a dit des trucs dans ma vie, mais là, honnêtement, tu m'as taillé une bavette comme jamais. Tu t'es bien régalé ? Je me suis régalman. C'est bien le principal. Comédienne qu'on retrouvera également dans Derby Girls saison 2. Vous l'avez peut-être découverte sur sa chaîne YouTube Glamouze avec Camille Fievez. Depuis, elle a joué dans la série Hashtag Boomer ou dans la saison 3 d'Irresponsable, toutes deux sur OCS. Et d'ailleurs, elle retrouvera bientôt la co-créatrice d'Irresponsable car elle joue dans sa nouvelle série Platonique qui arrive également sur OCS. Vu le nombre de séries qu'elle fait pour OCS, j'espère qu'elle a un abonnement OCS ou à minima un forfait soche de chez Orange, c'est Alison Chassagne. Oh là là, yes, yes, Ali la Lune, Ali Boobs, non, Ali Express. J'ai pas d'abonnement gratuit. Il pourrait. Ma gueule. Je vais le mettre sur ma to-do list, envoyer un mail à Boris. Avec tout patron. Ce qu'on a fait pour Canal, nous on a eu des abonnements Canal, pas du tout. Pas du non, tout. Jamais. Pas le moindre, vous m'entendez? Il arrive à se glisser juste avant que les portes ne se referment. Il nous dit quel étage et sa voix nous fait quitter la terre ferme. C'est Adrien Méniel. Oh là là. Mais attends, Adrien qui est aussi dans Derby Girl saison 2. Dans Derby Girl. J'allais le dire. J'allais le dire. Dans Derby Girl. Mais d'ailleurs, vous étiez toutes dans la une déjà. Ouais. Voilà, qui est déjà dispo. Est-ce que quand sort la 2 déjà, pouvez-vous nous dire la date? On n'en a aucune idée. Ah, vous n'avez pas encore, je croyais que début avril, non? Si. Ah bon? Ah, il y a une date du côté d'Aïssa. Le 5 avril. Il monte. Oui, ce n'est pas un poisson d'avril à 4 jours près. Ça marche pas du tout. Attendez, parce que Alison est très menteuse. C'est vrai? Ah mince. Je vous promets que cette série sort la semaine de projection à Cannes. C'est moins précis que ce que t'as dit avant. C'est typique des menteurs. Je vous promets que cette série sort en 2022. D'ailleurs, Adrien. Quoi ? Bah, je te présente des excuses publiques. Merci. Parce que pourquoi ? Dans le dernier Floodcast, Adrien avait exigé qu'on mette les masques. Parce que Freddy Gladieux était cas contact. Et on disait : oh, mais mon pauvre ami, mais encore là, le Covid, la lilalou. Que s'est-il passé, Adrien ? Il a eu le Covid. Ouais, deux jours après, Gladieux, positif. Positif, man. Mais toi, t'as pas eu le Covid ? On l'a pas eu. Non, on a gardé les masques. On avait les masques. Donc ça veut dire que les masques, c'est... Ça marche, apparemment ça marche. On a mis 2 ans et demi. Le virus existe. Ouais. Déjà. A priori, le vaccin marcherait un peu et les masques aussi. Enfin, c'est... Je hoche la tête à l'horizontale, faut que vous sachiez. Ah, parce que ouais, je la sentais en Diago un peu. Non, pas sûr. Diago Silva, le genre de foot. Excellent. Serre-moi-en 5. Un fist bump. Faisons un fist bump. Un fist bump. Oh, il est fist bumper. Donc, comme d'habitude, on va parler un peu des news qu'il y a un peu insolite dans le monde. Par exemple, au Japon, des locaux s'inquiètent parce qu'une pierre s'est brisée en deux. J'ai vu aussi. Oh là là, qui m'en a parlé? Patrick. Non, je sais plus, mais bref. C'est pas de patrouille. Pas de patrouille beau. Alors, pas de patrouille m'a parlé d'autre chose en revanche. Je fais une petite écartade très vite. Avez-vous entendu Francis Huster sur France Inter, je crois? Je crois, ouais. C'est sur France Inter. C'est dans l'émission. Non, France Culture. C'est un régal. Dans l'émission Les Chemins de la Philosophie. D'ailleurs, juste un bon pseudo Twitter, je vous le donne parce que je suis plus sur Twitter. Francis Hustler. Oh oui, elle est très bien. Peut-être que ça existe déjà. Donc c'est calme-toi. Les gens n'ont rien dit. Non, parce que les gens n'ont rien dit pour le moment. Mais ils disent toujours les trucs. En plus, ils te le disent à toi. Mais on voit pas les trucs à moi. Il a dit ça. T'as un charisme indénominable. Alors que moi. J'aime bien. Mais t'es accessible, Flo. T'as des anglaises. T'as une bonhomie avec ton gros nez. Pardon ? T'as une bonhomie de. Mais toi aussi, t'as un gros tarbouif. C'est vrai. Oui, mais quand même. Ah non, mais moi. Donc, dans Les Chemins de la Philosophie, Francis Huster est venu pour parler un petit peu de Molière. T'es un angelot, tu comprends ça ou pas? Je suis un angelot. Non, mais c'est sûr. Un putain de poupon. En fait, j'étais dans mon petit nuage, je suis tombé du vraiment ciel. Entre Seth Rogen et un angelot. Je fais les bruits, moi, les petites. Drôlin, drôlin. Et donc, ouais, non, allez, Adèle Madrid. Madrid. C'est Dieu, c'est Dieu. Tu joues Dieu. C'était Dieu, avec la voix de Jilfi, apparemment. Et donc, dans les chemins de la philosophie. Regardez bien ce qui se passe en Ukraine. Regardez bien le visage de Joe Biden, qui a déshonoré l'Amérique. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. C'est-à-dire qu'il y a 42 millions d'Ukrainiens, 70% sont des chrétiens, et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire tuez-moi, je représente le Christ. Je représente le Christ. Est-ce que vous croyez? Tuez-moi! Au lieu d'aller à Kiev! Je veux dire, mais... Jacouille. Ah, quel... Jacouille à Hochelouille. Il a bifurqué, il part de Molière où il est déjà très énervé de base. Et donc ça me fait rebondir parce que Francis Huster avait fait un truc que j'avais trouvé génial. Il était allé faire, il a fait une pièce de théâtre sur Albert Einstein. Et il était venu faire la promo sur Europe 1 déguisé en Einstein avec la petite moustache. Vous pouvez pas voir, mais c'est Jean Ferrat. C'est vraiment une très bonne gueule. Et alors vous pourriez dire, ah bah il est allé en perso. Non non, il était déguisé. Et il répondait en Francis Huster, mais il était déguisé. Il répondait pas en tant que Einstein. Non, non. Bah en même temps c'est un peu dur à tenir, je pense. Excuse-moi, mais là la photo que tu nous montres, on dirait un mini-cum de Einstein. On peut pas vous dire mieux, c'est exactement ça. En fait, on pourra rien ajouter, c'est exactement ça. D'ailleurs, si vous tapez mini-cum de Einstein sur Google, c'est cette photo. C'est ça. Oh là là, déjà Minicum d'Einstein, un très bon titre. Un très bon titre, évidemment. très rapidement. Voilà, c'est une petite. T'avais un truc sur Francis Huster aussi. Il y a quelqu'un qui vient. Non, c'est des va-et-vient. Des c'est gens peut-être passent. Quelqu'un qui essaie de voler mon vélo. Mais j'espère que c'est pas l'agresseur de mon chien d'hier soir. Non, je pense pas qu'il t'aurait. Alors moi j'espère parce que je vais le défoncer. Ah ouais, j'ai de la rage en moi. Ouais, ouais. T'es Batman, je crois. Je suis la vengeance. Soy la venganza. Totalmente. Non, moi je me souviens dans. Nulle part ailleurs, je crois. Il y avait d'ailleurs une séquence un peu peut-être problématique aujourd'hui s'il le refaisait. De toute façon, non, tout. Gros, ouais, bien sûr, aujourd'hui, on peut plus rien avant faire. Avant 2019, tout est pas bon. C'est une autre époque. Ouais. Ouais, allez. Okay. Non, mais en gros, c'était l'invité qu'allait. Je crois que c'était l'invité qu'ils avaient prévu de recevoir. Ils envoyaient quelqu'un, genre la semaine d'avant, le filmer. Et c'était un mec avec une caméra qui le filmait dans la rue, genre, mais. Et qui le suivait sans rien dire. Ah oui? Et donc l'autre disait mais vous faites quoi, pourquoi vous me filmez et tout, et le gars ne disait rien et après il diffusait ça dans Nulle part ailleurs. Je me souviens qu'il y avait eu une séquence avec Thierry Lhermitte où il était un peu vénère et parce qu'il suivait les gens jusque chez eux. Ah oui, c'est une ambiance. Non mais les amis là, un peu compliqué. Et Thierry Lhermitte il était un peu vénère, il avait ouvert la porte de chez lui, il avait dit allez-y rentrez je vous en supplie, et après on le voyait faire du Krav Maga. Non mais oui, en gros il lui arrachait la caméra et sans doute peut-être il l'avait tabassé. Et en vrai bah oui. Non, et donc Francis Huster était dans l'extrême inverse, c'est-à-dire que il était extrêmement affable avec le mec qui était juste quelqu'un qui le harcelait. Il disait ça va, tu vas bien et tout, et il le faisait monter chez c'est lui Renault, dans son en fait. Appart, et il disait ça va, tu veux un coca, tu veux un Perrier, vas-y installe-toi et tout. Après et donc, à sa décharge, le gars adorait Molière. S'il avait dit ouais Molière pas ouf, il aurait fait quoi. Vous êtes une ordure. On dirait un peu mon perso de l'histoire là. Les jeunes qui t'aiment pas, Molière. Je fais des ordures tout simplement, voilà. La femme dans toute sa splendeur. Le personnage de la femme qui est célébré dans cette œuvre. À chaque fois, en fait, il perd ses dents, donc il les remet un peu dans sa bouche avec ses lèvres. Il bave beaucoup. Non, mais c'était. Il y avait un gilet jaune comme ça, un mec qui s'appelait Isadora Duncan, je crois, ou un truc comme ça. Attends, pardon. Attendez. Là, c'est pause. Un. Quoi? Non, il y avait un gars sur c'est YouTube. C'est un Avenger, hein, ça. Bah non, mais c'était un gars qui. Enfin, je dis un gilet jaune d'ailleurs. Enfin, qui c'est disait, un pseudo, Isadora, ça. Sûrement, j'en sais rien. Je le connais pas perso. Ne nous hurle pas dessus. Si, Flo. Je suis agacé, ça m'en fout. On s'intéresse à ce que tu dis. Ne parlez pas sur ce ton. Je vous invite à la télévision. Ne dites pas ça. Isadora Duncan, en fait, il prenait des célébrités et il allait les voir avec une caméra qui leur foutait sur les yeux en disant mais les gilets jaunes alors, parce que là vous êtes dans votre tour doré, vous pensez quoi des gilets jaunes. Il avait fait ça avec plein de gens. Avec donc, Zemmour, c'est pas lui. Entre autres, il avait fait avec Laurent Ruquier. Qui une vidéo un peu marrante où Laurent Ruquier essaie de le tabasser. Mais oui, il fait des petits pas de capoeira et c'est pas mal d'avoir Laurent Ruquier qui. En fait, il essaye d'attraper la caméra et du coup il fait des petites feintes. Mais vraiment, c'est un chat. C'est vraiment, il a des tactiques de chat. C'est vrai que si t'es pas habillé comme Jean-Claude Van Damme quand tu fais ça, ça marche pas. Ça marche en fait. Pas ouais, du ouais. tout. Et quand t'es Laurent Ruquier aussi, ça marche pas. Il fait un truc un peu marrant où il chope le gars. Donc le gars se sort des griffes de Laurent Ruquier. Et après, il va voir Laurent qui va voir et fait « Séparez-moi de ce monsieur !» Et pour rebondir sur ce que tu dis, il est allé voir Michael Youn. Et pareil, Michael Youn l'avait assis à une table de resto et il parle pendant une heure et demie de l'état de la France. Et en fait, c'est horrible parce que du coup, ce Isadora machin... se décrédibilise totalement parce que en fait dès que tu parles avec lui le gars a pas grand chose à dire quoi. Mais et donc Youn le brain en fait Youn a brain le gars tout simplement. Mais Michael Youn, je lui fais un appel collectif, ouais, de venir à BTBTVR déjà, ouais, et de venir dîner à la maison aussi. Ok, il doit avoir plein de belles histoires. Et bah appelle-moi, moi je suis à 10 minutes tu sais. Après je prévoyais pas ce genre de dîner. Tu voulais le ken, d'accord. Bah après, moi, même peux... pas, moi j'étais vraiment genre bah il a l'air sympa. Alors, mais moi je peux faire le wingman et partir en moment de la ken. Hein. Alors, c'était trop mignon parce que la partie nous on était sur le projet et la partie rousse. Ton vélo est en train de se faire voler. Arrêtez Tu veux pas le rentrer ton vélo en vrai? Ouais, en vrai. Bon, allez, petit happening, j'ai rentré mon vélo. Oh punaise. On fait la petite chanson pendant qu'il prend son vélo. Ouh, on prend la petite chanson. On fait. On prend qu'il la prend petite son chanson. Vélo. J'ai mélangé les verres. On fait. J'ai pris une flûte. La petite t'as pris une chanson. Flûte. Alors. On pourrait en parler maintenant. Ouais, bah c'est le moment de parler de la flûte. Ah, t'as une flûte. Oui, on voulait vous impressionner parce que vous allez faire un enregistrement au comment ça s'appelle? Ah là là. Cocatrix. À l'Olympia. Ouais, on ouais, va ouais. faire. C'est on vrai. On va le faire en septembre, octobre, septembre. Ouais. Et on voudrait être invité. D'accord. Et donc on voulait vous montrer tout ce qu'on savait faire. Ouais. D'accord, ok. Ouais, ouais. Voilà. Bah, vous allez faire plaisir. Des petits happenings, des trucs. Ah, il y a quelque chose. Donc je voulais vous montrer. Je mets ça sur la table. Elle vient de sortir un 20 sur 20. Un cahier relié. Contrôle de musique. Ah, t'as eu 20 sur 20. Voilà, ouais, ouais. Un contrôle de musique. Ouais, mais alors attends, moi ce qui m'impressionnerait, c'est si tu as toujours les bonnes réponses de tête. Ah, je sais pas. Là, si je te. Par exemple, citer un exemple de flûte à encoche. Eh bah c'est foutu pour l'Olympia, désolé. Non mais je sais. Faut savoir qu'elle a les pipis noires. Je sais que la flûte, on dit flûte en, c'est un instrument en bois. Mmh, et depuis le 19e siècle, la flûte traversière est en métal argenté. D'accord. Et on c'est la pas met la question dans... hélas. Mais c'est pas un non, instrument mais attends, avant. L'Olympia ça se mérite. Qu'est-ce qu'il est c'est pas un instrument avant. C'est un instrument à poumon, la flûte. Ah oui, voilà. Le alors, P de poumon m'a mis une petite droite. La Kena d'Amérique du Sud par exemple. C'est marqué. Non mais je. Ah c'est la Kena. Bah, il y en a pas qu'une j'imagine mais. Putain, j'avais tout révisé sauf la Kena. En tout cas une très très belle écriture. Mais c'est vrai. Oui, oui, alors il faut. Mais quand un 20 sur 20 en musique. En flûte. C'est fort. En flûte. Du coup tu as l'oreille absolue j'imagine. C'est très. Tu es également zèbre. De toute façon, nous on reçoit que des zèbres désormais. Hein. En l'occurrence, que des zèbres autour de ma table. Moi j'étais pas bien dans ma peau, sûrement. Ouais, ouais, c'est ça. Tu le cherchais beaucoup. Je m'étais encore fait recaler par un gars. T'étais amoureuse de qui, ouais? J'étais amoureuse de Guillaume Desclèves. Oh, qu'on embrasse, ministre son... aujourd'hui. Ouais, en rapport avec la princesse. Je balance. Oh, ma mère avait dû signer ce contrôle parce que. Parce que 15 et demi, c'était pas bien. Vu, c'est horrible, hein. Vu, c'est. J'ai toujours trouvé ça flingué. Et il voulait pas sortir avec moi parce que j'avais pas. Il nous laissait en vue, les profs. Poitrine. Ah bah putain. Ah eh bah putain, maintenant, ah bah, il s'en mordra bien le doigt, mon pote. Faut quand même savoir qu'Alison a les plus beaux seins d'Europe. Ah voilà. Eh bah écoutez, c'est noté. On peut passer du coup. Non, mais c'est en tout bien tout honneur. Non, mais moi, c'était une des questions. Tu l'avais déjà dit, donc je oui, savais. Bah, c'était que une que des questions. Quels sont les plus beaux seins d'Europe? T'as un peu grillé ma carte. Mais tant pis. C'était mon fond d'écran pendant longtemps. Parce qu'elle m'avait envoyé une photo de ses seins pour son anniversaire. Genre mon anniversaire. Écran verrouillé. Genre tu ouais, fais ouais. ça et bim, bah, là, on voit les gouttes. Dans le métro, c'est pas fou. C'est le de. J'ai un texto. Oh, pardon. Ça, c'est le cul d'Alison. Non, c'est le. C'est le. Ouais, complètement réinventé. C'est Jeanne d'Arc qui s'est fait adouber, mais elle est en string. Oh. J'ai un petit montage comme on voit sur internet parfois. Donc, s'il y a un ventre mou dans l'émission, je peux faire un petit morceau de flûte à un moment donné. Ah, mais alors, sans vous prévenir. N'hésite pas à la moindre seconde, je t'en conjure. Donc, le Japon, parce qu'à la base, on était parti là-dessus. Bah oui, pour ça. Bah oui, mais en plus, on a la réponse. Bah oui, donc c'est pour ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Bah, c'est un démon. Un rocher qui était censé renfermer un démon depuis des millénaires. Bien sûr, mais pas n'importe quel démon. On est d'accord que le c'est démon le démon de pitch, la danse. les divas du dancing. Qui s'est incarné en moi, malheureusement. Là, je suis on en train est de d'accord faire que c'est le pitch du dessin animé où il y a les Sylvains qui cliquettent dans la forêt, ça. Mononoke? What? Mononoke? Ouais. Ah oui. Oui, un peu de ça. Il y a un peu de ça. C'est une pierre qui. Non, il n'y a pas de pierre. C'est un sanglier géant qui y a des larves en lui. Alors, non, ça, c'est le prochain Quentin Dupieux, ça. Dans lequel je suis coupée. Oui. Aïe, au moins, il te l'a dit. Attendez, mais vous n'avez pas cette histoire. Je ne vous ai pas raconté. Je peux la faire rapide. T'es Franck Dubos, déjà. Je ne vous ai pas raconté. Vas-y, raconte. Je me fais appeler, je fais un essai. je vais à l'anniversaire de mon père, j'ai deux valises, deux gâteaux, c'est le bordel. Tout en je double. Je transpire. J'ai laissé. Ouais. Je dois faire 2000 km en 48 heures pour aller jouer parce que je suis en train de tourner à Angoulême la série d'Ovidie des gens bien ordinaires dans laquelle je ne suis pas coupée grâce au Seigneur. Je fais un aller-retour à Martigues pour tourner dans le Dupieux. Ça se passe bien, c'est très sympathique. Voilà, tout le monde est gentil, la cantine est excellente. Ah, on me l'a dit. Vraiment. Très important. Et deux jours après, je suis à nouveau sur le tournage à Angoulême et je reçois un mail qui dit « Salut !» de la part de Quentin Dupieux. En fait, j'ai retourné tes scènes avec une comédienne plus âgée parce que ça n'était pas assez drôle. Yes. Ah. Je t'ai remplacé par un NFT que j'ai créé. Ah merde. Voilà. Ah ouais. Écoute, il y a des hauts débats. Hein. Mais c'est bien, les gens, c'est le métier de comédien. Quoique ça, c'est rare hein, quand même, ça n'a pas eu de bol. Ça m'a... Un petit coup. Ouais. Ouais, mais au moins, dis-toi qu'au moins, t'es pas vieille. T'aurais pu être vieille, là, tu l'es pas. C'est vrai. Je sais pas, c'est pas. Vrai. Mais il est très bon à monter le moral, hein. Attention. Bah, je sais pas. Ah bah, c'est... je sais. Non, c'est un vrai petit, une vraie petite cheminée sur pattes. Hein. Tu le regardes et d'un coup, t'as du coup au cœur. Donc, quel démon il s'agissait? C'est un démon tueur. C'est un démon. Il y a un peu de ça. Alors c'est un renard à neuf queues. Ah voilà. Mais oui. Non mais là c'est vraiment oui c'est Miyazaki totalement. Ben c'est Naruto non? En plus un renard. Ah ouais. Pas, je n'ai jamais lu de manga de ma vie. Vous m'entendez? Moi non plus. Moi non plus. J'ai failli appeler mon chien Itachi. Comment? T'as failli quoi? Appeler mon chien Itachi. Ah ouais. C'est quoi Itachi? Bah c'est dans Naruto. Ah bah voilà. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est joli. T'as failli l'appeler. À cause d'une chanson de PNL. Ah, du zou à Itachi, fonce. Ouais, non. Odédé. Alors, histoire. Je connais grave. Et tu vas parler du démon, du renard à neuf queues. Bah, de ce que j'en sais, de ce que me dit cet petit article de chez sudinfo.be. La légende qui date du 12e siècle rapporte que la roche était habitée par un renard à neuf queues, Tamamo no Mae. Celui-ci aurait pris la forme d'une belle femme il y a bien longtemps avant de prendre part à un complot pour tuer l'empereur Toba, qui a régné sur le Japon de 1107 à 1123, donc une petite quinzaine d'années, pas si fou. Afin de parvenir à ses fins, il a été tué par le guerrier, Miura Nosuke, et depuis, il est dit que quiconque toucherait la pierre mortelle serait en danger de mort, car elle crache des gaz toxiques. Un renard à neuf queues va prendre sa revanche sur l'humanité. Voilà ce qui est dit de cette pierre. Franchement, qu'ils viennent. Hein. Et celle-ci, c'est pour une raison inexpliquée, cassée en deux, ce qui inquiète beaucoup une partie des locaux, vraiment en l'occurrence, qui croient à ces choses-là. Oui. Pour eux, l'esprit maléfique de Tamamo no Mae, a été libéré lorsque la pierre s'est brisée. Et ce qui est un peu rigolo, c'est comment ça se brise une pierre, par contre. Alors justement, les médias locaux tentent de rassurer parce que les gens ils disent mais justement, comment se brise une pierre? C'est forcément qu'il y a un démon dedans. Il y a aucune autre explication au monde. Et ben les médias disent non, en fait, c'est juste que cette scission, c'est sur le compte de l'érosion naturelle, tout simplement. Les pierres, ça, bien voilà. Sûr, ça bouge. Hein, elle a été coupée croire. Parfaitement en deux. L'histoire ne le dit pas. C'est ça qui est étrange. Ouais, c'est ça, c'est un baklava. Elle est pas si parfaitement coupée. Quel est le signe astrologique du démon? Non, mais alors moi j'ai deux. J'ai deux. Comme par hasard. Non, je pense que c'est plutôt. Un scorpion, tu m'étonnes. Mais oui, bien sûr. Ah, les scorpions, on en a par-dessus la tête. Hein. Tu m'as dit scorpion, capricorne. Moi, j'adore les scorpions, mais. Les béliers, attention. Ah non, je suis bélier. Vos plats, hein. Un peu têtu. Le même. Ce que je veux dire, c'est que. Il y a deux écoles, je crois, sur la j'ai l'impression qu'il y a les gens qui y croient plutôt et d'autres qui n'y prêtent pas. Mais moi, je suis renard à neuf queues, justement, moi. Ah, donc, c'est voilà, c'est peut-être pour ça que t'es un petit peu belliqueux. C'est pour ça. Parce que t'es un démon, en fait. Je suis un démon, littéralement. Mais c'est parce que t'es un énorme baiser aussi, je pense. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hélas, non. C'est tout. On va couper tout ça. L'épisode sort après-demain. On sait très bien que c'est comme quand je dis je vais ken Michael Youn. Quoi? Parce que j'ai un happening où on l'appelle dans une heure, malheureusement. Non, je vais pas du tout ken Michael. Si je le dis trois fois, il va apparaître en fait. C'est comme le. C'est le ça, il hurle morning live, tout simplement. Putain, c'est con, j'ai une bonne vanne à un mourir, mais je sais pas comment je la raccorde avec ce qu'on a coupé avant. Je vais trouver. En Australie, alors ça, j'ai adoré. C'est une de mes news préférées, je crois, de l'histoire du podcast. Ah, peut-être. Une de mes. Un régal. On a de la chance. J'espère que je l'ai pas vu passer. Ça implique un kangourou qui boit du whisky? Non. Ok, j'écoute quand même. En Australie, un restaurant cartonne. Et c'est un restaurant qui propose quelque chose d'unique au monde. À votre avis, quoi? Putain, ça tu l'as vu? Des imitations. Non, c'est que tout est en caca là. Non. Ah. Alors non, c'est pas lié à en la torchis. Merde. C'est au service. Mais parce que tu dis là, tu l'as entendu parler d'un restaurant qui faisait ça? Oui, il y a un restaurant où tout est en forme de caca. Ah tiens donc, alors je voulais chercher, je googlais cette petite. Attends, on va te poser des questions. Cette petite adresse. Non, mais je vous écoute. Est-ce que par rapport au service? C'est par rapport au service. Ah, il y a c'est maillot mouillé, une connerie comme ça. C'est sosie. Dire... Bah t'as maillot t-shirt mouillé. Mouillé les Google. Ouais. Ah pardon, maillot mouillé. Je crois que c'est une chanson d'été. Les oui, la maillot mouillé, une danse. Une maillot mouillé. C'est ça. Non, pas maillot mouillé, non. Et pas. Des sosies. Pas de sosies. Des imitations. Pas d'imitation. C'est pour Villa. Mais spaghetti. Les Mimosa. Il y a pas de c'est service. C'est pour qui? Il y a un service. Ah. Non, il y a un service. Est-ce c'est vraiment c'est lié au service. McDo. Est-ce que c'est. Cartonne. C'est quelque chose que font les serveurs et serveuses de particulier. C'est quelque chose que font les serveurs et serveuses. Au moment de servir le plat? Exactement. Ils chantent uniquement. Ils ne chantent pas. Petit aparté juste. Le McDo, le truc où tu mets ton numéro sur le truc et le mettre sur la table, je déteste. Voilà, je le dis. Le McDo, tu vas chercher ton petit drapeau là. Ah, ça m'énerve. Tu sais, c'est genre tu réserves ta table et je déteste qu'on réserve sa table au restaurant. C'est genre, vrai, c'est comme ça. Il y a des gens qui vont arriver, machin. Bah, tu peux choisir ça. Moi, je déteste ça. Voilà. Donc, McDo, je sais que vous si nous écoutez. Attends, je sais qu'on a un si impact. On veut faire une OP, oui, c'est si vrai. On... Bah non. Je refuserais. Ils sont mentalistes et ils devinent ce que tu vas manger. Pas du tout. Pas très du bien. Tout. T'as dit mentaliste. Ouais, ils devinent ce que tu vas manger. Ils parlent mal. Et méfiez-vous parce ils te que. Te parlent mal. Alors. Quand Alison ne parle pas, c'est qu'elle fomente quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Et alors ça, le fait de dire mentaliste, tu vois, nous on est là. Elle claque son cul et fla. C'est comme une meilleur flèche qu'elle ou... décoche. Bah, je sais pas. Hein. Menteuse et fomenteuse. Apparemment. Oh, oui, regardez mes mains. Toi, là, t'adores Molière, toi. Je suis un fan de Molière. Donc, et si vous aimez... Il t'insulte, c'est ça, quand alors, il sert. Voilà, il te parle bonne mal. Réponse d'Adrien Méniel. Il te parle très mal. Au moins, je sais si ma carrière vraiment tombe à l'eau. J'avoue. Où est-ce que je peux aller me faire embaucher? Un avion, l'Australie. Ouais. Non, mais en plus, ce qui est génial, c'est que vu qu'il te parle mal, t'as le droit de mal leur parler aussi. Ah oui. Et donc, du coup. C'est un roast en fait, c'est permanent. Il faut avoir le moral quand même, je pense. Ouais, ou l'inverse. Je vais au bout. Ouais, je sais pas. Nous on vit à Paris, donc on n'a pas besoin de. Oui. C'est vrai que ça s'appelle un resto parisien. Tu sais que j'ai dit à une meuf dans la rue, elle était dans son 4x4 et moi j'étais en trottinette avec mon linge dans son sac à dos à l'avant et je mets mon pied pour tourner et je m'arrête parce que je sais qu'on peut pas tourner aussi facilement. C'est ouais, Paris, on connaît l'histoire. Pas tourner. La meuf me klaxonne mais comme si demain n'existait pas et elle trace. Alors je la rattrape. Oh là là. Donc déjà un 4x4 qui va peu vite. Ah, Mad Max Fury Road pour moi. Je la rattrape, je frappe à son carreau. Oh lolo, là elle a du chier dans son ben. Elle le baisse et je dis meuf, en quelle année? Et je répète comme ça, en quelle année? Chaque pétrolier 73. Et du coup, elle a fait quoi? Elle est belle. Et je lui dis trace ton cul. La pauvre. Ah ouais, mais je m'excuse. Je pense pas qu'elle. Non, mais des fois si on est dans un stress. Moi j'étais en vélo à Paris. En vélo, elle méritait bien pire. Ah, j'étais en vélo et un bus, je pense, me voit pas et me double. Il décoche. Enfin, il me passe très près de moi, tu vois. Il te voit pas. Non, mais il me voit, mais tu vois, il passe très près de moi et il freine au moment de son arrêt de bus. Donc vraiment, je dois piler et je suis à ça de me prendre le truc. Ouais. Et je crie, putain, mais va te faire enculer, mais. Je sais qu'il faut pas, mais voilà, la peur, l'adrénaline, quelque chose. Non, mais c'est pas ouf. Sans ton tu consentement. Vois. Voilà, il y a un truc un peu de colère. Ah oui, d'accord. Oui, oui bon, bref. Cette insulte-là en particulier. Oui, voilà, mais bon, oui, bref, oui, ça oui, sort. D'accord. Et le mec descend du bus. Ah, j'adore. Oh là là. Il était beau ou pas? Pas mal. En vrai, oui, pas mal. Ça y est. Barbe bien taillée. Il fait qu'est-ce que t'as dit là? Qu'est-ce que t'as dit? Ah, et moi, bah, l'adrénaline. Bah j'ai dit va te faire enculer. Ouais, mais pas parce qu'au moment tu peux pas, il sait très bien ce que j'ai dit. Enfin, tu oui, vois. Ouais. Mais du coup oui, je le dis. Une grosse victime si tu dis mais rien. J'ai rien dit. J'ai rien. Pardon. Attention. J'ai dit bien joué. Tu as bien fait parce que quelqu'un qui répète c'est quelqu'un qui joue la montre. C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est des codes, hein. C'est un test. Si le mec il répète le truc, je fais ok, je vais peut-être pas aller à la bagarre avec lui parce qu'il peut m'en mettre une avant même que j'ai levé la main. Et le mec il m'a juste fait ouais, bah fais pas attention à ce que tu dis. Et il a remonté. Il a dit c'est problématique comme propos, tu sais. Le sexe c'est pas un acte punitif en fait. Ok. Et il est remonté dans son bus. Excellent. Et j'ai fait putain, en fait, je ressors grandi de cette altercation. C'est dommage que ça n'existe plus, la plateforme sur laquelle vous officiez à l'époque, parce que ça aurait fait un super sketch. Vous l'avez déjà on fait encore des sketchs. Ça arrive. D'ailleurs, Adrien. Oh, c'est pas possible. Oui, un sketch qui est sorti, c'est ça? Un sketch qui est sorti de Mister V que tu as écrit, tout simplement. Oui, voilà. Un sketch qui s'appelle Comme ça vient. D'ailleurs, je vais répondre à la question que j'ai posée hier sur Insta. Personne n'a trouvé la réponse. Tu réponds toi-même à une question. Ah oui, c'était quoi? Non, j'ai dit. J'ai posté un sketch à moi, enfin, j'ai posté ce sketch, puis j'ai posté le sketch Name of Thrones que j'ai fait il y a longtemps, et j'avais dit quel est le point commun entre ces deux sketchs. Et ben c'est deux sketchs qui avaient été écrits à l'époque pour un sketch show Golden Moustache qui a été annulé pour être remplacé par une pépite, un bijou avec Elise Moon. C'était pendant l'élection présidentielle, putain, moins 5, 2007, ouais, bon bref, Macron quoi, et ils avaient, W9 avait fait la soirée présidentielle où c'était Elise Moon qui se présentait, voilà. Et ils avaient vraiment, on avait fait un sketch show, mais en prépa, c'est-à-dire qu'il y avait des réalisateurs, on avait fait machin, et ils avaient annulé notre sketch show. Ils avaient dit non, on va faire une parodie faire d'émission politique avec Elise Moon. Et on avait pitché quelques-uns de ces sketchs dans un floodcast d'ailleurs, je me souviens. Parce que j'avais fait une parodie aussi de Jeff Panaclock à l'époque. C'est vrai. Et c'est on avait vrai. Pitché quelques-uns de ces sketchs. Et dans pour un info, podcast. Dans ce sketch show, il devait aussi y avoir le troisième épisode du mec qu'on n'écoute jamais dans les films. Oui, c'est vrai. Eh ouais. Qui malheureusement doit bien se marier là-haut, voilà. Avec Coluche et des proches. En tout cas, le pif Golden. Il y a beaucoup de montage dans celui-là. Ça existe même plus, on peut le laisser ça quand c'est même. Vrai. Bah, c'est vrai, on peut on aussi. Non, ah, merde, attends, déjà on se fait niquer. En plus, et on peut pas que dire. Que flûte d'Alison. Ça va être que ça en boucle pendant 1h20. 5 MB. C'est chiant. Ça a changé. Est-ce que vous, ça pourrait vous tenter, ce genre de choses? T'as dit quoi? D'aller dans un restaurant un peu vénère où on t'insulte. Ah ouais? Non. Bah, j'aurais cru l'inverse, comme quoi je te connais bien mal. Mais non, mais moi j'aime pas m'embrouiller. Si je m'embrouille, c'est que vraiment ça va pas. Tu vois bien que je suis quelqu'un qui est calme. Bien sûr. En quelle année d'ailleurs? En quelle année? Non, mais moi qui dis embrouille, y a pas on rigole, y a pas on s'embrouille. Après on fait vas-y. Non. Embrouille égale on se mord les oreilles et on les recrache à gauche. T'aimes bien le jeu du loup-garou toi ou pas? Oh putain non. Ah voilà. Je pense que les gens qui aiment le loup-garou aimeraient bien aller danser. C'est horrible. Tu sais que moi j'ai eu un. J'ai vraiment eu l'équivalent d'une. Vas-y, pardon. Non, vas-y. Non, mais moi je t'en supplie. Oh, dis donc, ça a changé le podcast. Mais on est très respectueux les uns des autres maintenant. Non, mais j'ai vraiment eu une prise d'otage en direct à la radio ou en direct sur Twitch. Pas une vraie prise d'otage. Si, et j'ai sauvé tout le monde. Ah, waouh. Wow. Ouais, je suis un héros en fait. Je suis avec vous, je suis un authentique héros. Voilà. Incroyable. Non, j'ai présenté une émission pour Squeezie, le célèbre youtubeur sur Energy. Et en gros, le concept, c'est que après l'émission, ça passait sur Twitch en live. Et Squeezie fait souvent des soirées loup-garou sur Twitch. Et après, ça part sur Twitch. Ah oui, sur Minecraft, non, c'est ça? Bah là, en l'occurrence, c'était sur le plateau d'Energy. Okay, et donc, il y avait Big Flo et Oli, Lena Situation, enfin, je sais pas, il y avait plein de gens connus d'internet, machin. Et il me fait, bah Flo, tu joues avec nous? Et je dis, non, je déteste ça. Et en gros, il a dit, je te file 10 000 balles, donc tu joues. c'est mon gars sûr, ça. C'est évident que j'ai dit oui du coup. Et au final ça manquait de joueurs ou je sais pas quoi. Donc du coup, je l'ai fait et j'ai détesté de A à Z. Ah, c'est vraiment dur, et là vraiment en plus moi je suis nulle à ça. Ah non mais Alison, on a joué ensemble. Ah, non mais sais. C'était tellement c'est-à-dire drôle. T'es nulle, genre t'as perdu ou tu t'en l'air. Je sais pas mentir. Elle ne sait pas mentir. Bah, je crois que t'étais une menteuse justement. Bah non, justement. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, oui. C'était ça la blague. Mais si on connaît pas, on va pas rire. En fait, on était dans un cadre assez privilégié on jouait. Aix-les-Bains. J'ai tenté un cadre. T'as dit quoi? Aix-les-Bains pour moi. Cannes série, c'était. Non, c'était chez une amie. On passait une très bonne soirée, on buvait du rosé. Joannet. C'était chez Clo-Clo. C'était l'été. Voilà, la maison de campagne de la maman. Exactement. De la maman. Il faut savoir, pour après, digression pour plus tard, Alison apprend à parler italien. Je pense qu'à l'Olympia, ça rendrait hyper bien. Donc, jouait, et vraiment, Ali, elle était, mais en PLS, elle regardait loin devant, elle a les yeux verts, elle avait les yeux noirs de jet, tellement elle avait plus de pupilles. Et vraiment, elle les gens. Elle se transformait en renard à neuf queues. Non, mais vraiment, les gens mentaient aisément, tu vois. Bien sûr. Et elle était là, bon, je suis un loup-garou. Et elle s'est retournée vers moi, elle m'a dit, tu crois qu'il faut que j'apprenne à mentir? Et depuis, elle a changé. Parce qu'en fait, par exemple, quand j'étais villageoise, personne, c'est ça, un villageois, citoyenne, ça dépend des appellations. Là, personne, quand j'étais pas loup-garou, quoi, personne ne m'accusait d'être loup-garou. Ils étaient sûrs que je n'étais pas loup-garou. Il y a une fois où j'ai eu le papier, le rouge m'est monté aux joues. Alors quand le maître du jeu dit rendormez-vous, rendormez-vous, ouvrez les yeux, qui sont les loups-garous. Le matin se lève, ouvrez les yeux. Alors le jour se lève sur ma pelle. Le jour se lève, pointez du doigt les loups-garous. Tout le monde pointez du doigt. Elle a joué 30 secondes du coup. Mais c'est ça qui est horrible avec ce jeu en plus. C'est si tu perds tout, c'est un ennui de 2h30. Oui, puis je retiens pas. Oui, et ça devient vite perso, hein. Oui, oui, mais ça, pourquoi tu penses ça de moi? Après tu mets ça, c'est genre. Oui, oui, c'est ça. Et je tu te souviens, c'était Pierre M. Barré, le maître du jeu, et il était odieux. Les loups-garous se foutent des trucs dans le cul, ces enfoirés, alors, les enculés. Et il s'entendait pas bien avec un autre joueur, qui c'était un peu deux mal alpha, et lui disait: non, mais toi tu fermes ta gueule, toi tu fermes ta gueule. C'était ça, okay, ses d'accord. arguments. Donc c'est cool. Cool. Ah, mais il voulait pas qu'on ouvre les yeux. Ouais. Ah, c'est le principe normalement du jeu. Ouais. Et donc, comment rendre pire un loup-garou en plus en insultant Non, on avait les pieds sur de la braise brûlante, hein, vraiment, pour toute la partie. Et quand tu mourais, il te tuait, il te poignardait réellement avec une longue lame. Avec un katana. Une petite dague qu'il était allé chercher chez lui. Il avait une dague et un sandwich dans son sac à dos. Il est parti avec un baluchon après. Moi j'essaie que de faire les titres de ce floodcast depuis tout à l'heure. Je me concentre là-dessus. C'est vrai que ça a été joli. Putain, merde, je voulais rebondir super. Sur un truc. Oh, mais j'ai oublié. Trop tard. Allez, ça va revenir, fais-toi confiance. Non, ouais. Si, je sais ce que j'allais dire. C'est que pour moi, le loup-garou, c'est un peu comme les batailles d'oreillers. Où c'est un truc. Non, mais tu sais, c'est un truc, c'est genre de l'agression. Bien mais sûr. C'est censé être pour rire ouais, et ouais. ça fait pas mal parce que c'est des oreillers. Ouais. Sauf que, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va te mettre un coup, qui va te faire un peu mal. Et donc, t'es pas censé te plaindre parce que c'est une bataille d'oreillers. Donc, tu fais ouais. Mais le coup prochain, je vais t'en mettre un peu plus fort. Et ça escalade et on finit par se faire très mal. Et c'est un peu pareil le loup-garou, je trouve. Alors, genre, quelqu'un te dit un truc qui est censé pas être perso et tu fais oui, toi, je vais te bien niquer tout à l'heure. C'est un chauve de merde, t'es un loup-garou. Ouais, voilà, c'est une insulte. C'est un peu ça, tu vois. D'où l'utilité d'un safe word. Alors. Justement, vous m'offrez une transition. Apparemment, vous étiez au Pigalle Social Club, non Pigalle Bacon Club. Bacon Club. Oh oui, bah quoi? Bah moi j'y étais pas, voilà. Bref, et apparemment, ça a parlé roast, ou pas du tout. En tout cas, quelqu'un a envoyé cette question là-dessus, ça parlait de roast. Si, je peux. Mais, oui. Mais c'est un peu ce truc-là aussi, de le roast, c'est se vanner méchamment dans un truc. Qui est censé être respectueux. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? Je demande à Sophie Marie. Bah non, puisqu'elle a pas voulu faire le tien. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ta meuf m'a appelé. Alors on peut écouter. Je me suis fait roaster pour mes 30 ans qu'on a fêté 6 mois après mon anniversaire. Ouais. Donc tout était particulier dans cet anniversaire, mais c'était une super soirée. Et effectivement, je rêvais d'avoir un roast pour mon anniversaire et je l'ai eu. Mais je sais que Clara a demandé à des nanas parce que c'était très masculin c'est vrai comme ambiance. Toutes les meufs ont refusé. Et c'est vrai que c'est fou. Toutes les meufs ont dit non. Et donc toi, tu as dit non. Ah, j'ai dit non. J'ai dit à Clara au téléphone. Elle me dit, mais je sais, c'est bizarre. Parce qu'elle, elle déteste hein, Clara. Enfin, c'est ça qui est. C'est là qui prouve l'amour. Elle te bien sûr. Mais elle déteste les roasts. Et quand je lui montrais des extraits à la télé, elle était genre, bah, oui, c'est horrible. Juste horrible en fait. C'est méchant. C'est chaud. Ouais. Mais moi, après, c'était ça qui était mignon à mon anniversaire, c'est que ma meuf aime pas ça et elle l'a fait pour moi. Et du coup, c'était jamais trop méchant. C'était vraiment mignon quand elle l'a fait, ma meuf. Oui. Je me suis vraiment dit, ah, elle est vraiment stylée. Mais c'est là où je me dis, je sais pas si j'aimerais aller justement dans le resto où on peut insulter les gens. Ouais. Parce que justement, moi, j'ai kiffé te roaster. Parce que tu sais que ça vient d'un endroit d'amour, quoi. Bien sûr, tu bien là, sûr. Oh, merde. Tu le demandes même. Oui, enfin, c'est ça, voilà. C'était avec ton consentement. Bon, là aussi, c'est avec le consentement des gens, même s'il y a un facteur rémunération et peut-être ils ont pas le choix que de prendre ce taf là du coup c'est horrible mais du coup tu vois aller insulter quelqu'un que je connais pas même s'il a accepté il y aurait un côté lui il y aurait un doute dans sa tête genre mais il pense ça vraiment mais je serais pas aussi à l'aise que de te roaster toi ou là je me suis régalé. Voilà. Je me demande si le truc du fait que ça soit genré, le fait que le roast soit plus facilement effectuable de la part d'une personne socialisée homme, ça soit plus facile. Est-ce que c'est pas parce que nous, on se fait tellement démonter la gueule since ever on se dit bah non, on va peut-être profiter à un moment ça donné. Ça suffit. Tu vois, ouais, voilà. Enough is enough. Et il y a aussi un truc, c'est que j'ai l'impression que les meufs entre elles se font dans la vie. Elles se font plus facilement des compliments que les mecs, pas trop quoi. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça aussi. Tu lui as dit d'ailleurs qu'il avait des super anglaises. Non, je lui ai dit que c'était un angelot. C'est vrai, c'est équivalent. Mais c'est ce fameux truc de. Moi, je l'ai dit de façon agressive, mais c'est ma façon de faire des compliments. Non, mais c'est ce truc. T'es adorable, tu comprends ça? Les mecs au collège qui, plus ils s'insultent, plus ils s'aiment en fait. Ouais, plus, ouais. Tu le traites de connard ou de fils d'op, c'est que le truc de vieux cow-boy dans les films. Ah, t'es là, vieil enfoiré. Ouais. Attends, on est les vieilles canals, ouais, putain. Grosse merde. Et Michel Dutron et Hallyday. Tu pues la merde. T'as vu la bonne annonce de Hallyday d'ailleurs? Ça a l'air bien. Hein. Non, j'ai pas vu. Ils font un film, un documentaire, non, pas un film avec un acteur. Oh merde, j'allais demander qui joue Johnny. Bah, c'est oui, Alex Benoît Magimel. Ah. Magimel, pas mal en vrai. Cela dit, tu fais Johnny Hallyday, mais tu le fais à quelle époque? En fait, il faut plusieurs acteurs. Faudrait qu'il fasse des effets. Sur Johnny, il faudrait qu'il fasse comme ils avaient fait avec Bob Dylan sur I'm Not There, qui était vachement bien, où en gros c'était plein de périodes de sa vie et était à chaque fois joué par quelqu'un d'autre. Dans le film, il y a un moment, t'as même des Kate Blanchett. Oui, c'est ça. Joue, oui. Et sur Johnny, tu pourrais faire ça parce qu'en fait, la carrière est tellement gigantesque et la gueule qu'il a à 60 ans est tellement pas la même qu'il a. En vrai, a... Johnny à 20 ans, bon, on peut plus, mais Gaspard Ulliel aurait été parfait pour jouer Johnny à 20 ans. Je me demande qui pourrait jouer qui ici en termes de biopic. Ah, s'il y avait un biopic, très intéressant. Putain, alors Adri, toi, tu pourrais. Bien sûr, simplement. Regarde, il dit mais non comme lui. Non mais regarde, Elmo Lucino par exemple. Ça m'énerve ça. Ah non, je l'ai dit. Comme si j'étais lui, j'ai même pas fait exprès. Non mais tu dis ça pour me flatter. Eric Elmo Lucino par exemple ressemblait pas spécialement à Gainsbourg et tu vois, c'est un truc. Ah ouais. Je déteste ce film. Ah bon? J'haïs ce film. Il y a un truc très marrant dans ce film. Ça se termine sur une citation du réalisateur de Johan Svar. Je trouve ça assez fou. T'imagines, tu fais un film et à la fin tu dis la vie c'est un petit peu comme un soleil qui se couche. Alison Chassagne. C'est fou parce que t'as parlé de Gainsbourg tout le long, qui est une icône. C'est déjà toi qui fais le film. Est-ce que je crois que je suis pas poreuse à l'art en vérité. Mais vraiment. Pas poreuse, un bon titre aussi. J'avais l'impression d'être mon père quand je l'ai emmené au. C'est le vent. Au musée Picasso, je crois, à Malaga. Ouais. Picasso en flûre, mais quand même, on était au musée. Très bonne vidéo de Manon Bril à regarder. Bien sûr. Sur la foi de Vénus et Pilatel la chatte, le podcast exactement. Qui a fait un épisode sur Picasso. Et bref, mon père était là, la bouche pincée, en disant bah, c'est une connerie ça, comme, tu vois. Et quand j'ai regardé le Gainsbourg, j'étais pareil en me disant genre, mais qu'est-ce qu'il veut en fait? C'est pas le carnaval de Bâle. T'étais comme ça, t'as levé la main comme ça. Mais enfin. Quasi. T'avais les mains sur les hanches. Oh, mais alors, qu'est-ce que c'est bêtise. Arletty. Ensuite, Flo, toi, tu serais, Olivier de Benoît, malheureusement. Ouais, plus au DB, hein. Ouais. Et pas au DB de Wu-Tang, non. Ah, mais moi, j'aurais dit Seth Rogen. Oui, mais parce que t'es sympa, mais c'est en vrai, sympa. On est plus proche d'Olivier de Benoît, sachons-le. Non, mais là, t'as une dégaine des années 70. Ouais. Ah ouais? Avec ta barbe et tes cheveux. Là, c'est mec. Le serpent à rhyme. Je suis ta rhyme. Vous savez quoi, je vais garder ça, de tout ce qu'on se dit. Je suis ta rhyme. Plus ou moins, voilà. C'est ça. Ta rhyme en blond vénitien. Oui, voilà. C'est une toute petite différence entre moi et ta. Petite nuance. Alison, si tu pourrais. Après, faire... mieux vaut tard que jamais. Bien sûr, Diane de Poitiers. Diane de Poitiers, c'est tout. Sûr. Alors, qui est Diane de Poitiers? Pardon, j'ai aucune connaissance. Bah oui, bah quoi. Écoutez, Diane de Poitiers, je ne connais que le Puy du Fou. Henri II, c'était la maîtresse d'Henri II. Ah. Et on sait très peu de choses d'elle, d'ailleurs, ça qui est assez fou, c'est qu'elle a œuvré dans l'histoire secrètement. Ah. Elle était un peu. Éminence grise, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et son château est à Annette. Oh. De dans l'Eure et Loire. Ah non. C'est elle qui l'a maintenant. C'est Annette de Premier Baiser qui a le château. C'est elle. Voilà, dans l'Eure et Loire. Dans l'Eure et Loire, Annette. Elle mangeait de l'or tous les matins, c'est de ça qu'elle est morte. Elle mangeait de l'or? Non, mais ça, c'est la légende. Je suis pas sûr qu'elle soit morte de ça. Mais parce que c'est éminence grise, mais pas future. On m'a dit une gastro. Et on a dit oui, elle mangeait de l'or. Non, c'était pas de l'or, une gastro. Pure et simple. Attends, on n'a pas fait ce film. Non, mais c'est pas grave. Toi, la chanteuse, j'ai plus son nom. Dolly Parton. Janis. Joplin. Oui. Ah. Je l'imite hyper bien. Vas-y. Une semaine, une imitation. Parce que au Pigalle des Con Club, oui, j'ai fait Jonas. All alone, won't you buy me a Mercedes Benz? Pas mal. Si, my si, friends va. I drive Porsches. Okay, I must bon. Make it make. Alors, wow. Si, pardon. J'y suis. J'avais du fiel que t'es un peu en train de se répandre. Vraiment. Je l'ai ravalé. Voilà, je vous le dis tout de suite. Vraiment, je l'ai vu. Non, tu le tiens bien. Merci. Je pense que Ça ne se demande pas, mais je sais pas quel âge a Billie Eilish, mais dans quelques années, elle te ressemblera, ouais. Je pense, Billie Eilish. Ouais. Il y a un truc aussi qui joue. Bon, elle a 20 ans, j'en ai 38. Bon, voilà, donc 10 ans d'écart au voilà. final. J'aurais ouais. pu l'avorter. Allez. Et après quoi, il faut en parler. T'es trop mignon. Et après quoi? Le podcast de Adrien Méniel, il n'y a pas de sujet tabou. Et après quoi? Non mais si on s'offusque à chaque fois qu'on parle d'avortement, alors oui, bah, après on laisse la porte ouverte aux gens qui veulent l'interdire. C'est ça que je veux dire. C'est moi. Adrien, c'est mon trampoparc. Toujours il me rebondit. Putain, alors j'ai une question sur le trampoparc. Ça existait quand on était jeune ou pas? J'ai l'impression de découvrir ça à 25 ans. La oui, première fois que je suis allée, la parole. Elle a levé la main pour info. La première fois que je suis allée à un trampoparc, c'était au Trois Curés, au parc des Trois Curés que je salue, qui existe encore, qui est en Bretagne, à côté de Brest. Que je sais. Et des fervents d'auditeurs en plus. Il y a là-bas des trampolines géants. Il faut savoir que moi j'adore le trampoline, donc c'est là, incroyable. Tu dis trampoline, c'est ça. Et il y a des vélos bizarres, tu sais, avec une roue carré. Ouais, ouais. Oh. Genre, tu vois. Mm. Et tu peux faire de la barque et du trampoline. Donc oui, ça existait déjà. Ah, mais attends, c'était juste un trampoline ou c'était? Non, un trampoparc. Donc oui, en fait, c'est plein de trampolines dans c'était un. C'était ça. Oui. Et okay. autour, il y avait des vélos, des roues carrées, des barques. Ouais, mais et des ça machins. Pour moi, c'est. Je pense que c'est le pire endroit quand t'es quelqu'un de connu à te faire reconnaître, un trampoparc. T'es Isabelle Huppert qui. Je pense en est folle et tu la croises au trampoparc, ça gâche un petit peu. Trampoparc et Glory Hall. Il se trouve que ça m'est arrivé. T'essaies de mettre un titre encore là. Ouais, ouais. Ça m'est arrivé. On t'a reconnu au trampoparc. Oui. T'étais en chaussettes. C'est-à-dire, bah oui, oui, oui. J'ai, les chaussettes fournies par le trampoparc. Ah bah. Il te donne des chaussettes. Et c'est le. C'est dégueulasse. Alors déjà, parce que tu sais, il y a des. Non, mais tu les gardes après. Hein. C'est des Adrien, personne. Ah, je n'ai jamais fréquenté un trampoparc où ils m'ont donné des chaussettes. Peut-être bah, tu puais des yeps. Non, non, non. T'as vu, je t'ai rosté. Ah. Mais non, non, ils te donnent des chaussettes qui sont adhérentes justement pour pas glisser et tomber. Vert et jaune ou à petit pois? Non, normal. Rouge et jaune à petit pois, tu voulais dire? Ah putain, j'ai dit vert et jaune. Merde. Ça, c'est mon super pouvoir, faire des refs, mais pas, ouais. pas très bien. Ah, oui, chaque fois, il y a un truc qui merde. Le FC Nantes. non, mais l'anecdote est pas très insolente, mais un mec du personnel, dans un premier temps, est venu me voir parce qu'il y a des paniers de basket. Et du coup, j'ai dunké et il disait faut pas trop s'accrocher. T'es Michael Jordan, hein. Faut pas trop s'accrocher. Hein. J'ai dit ah oui, pardon. Et à la fin, il m'a dit je te connais. Golden. Bah, moi, on m'a reconnu dans un camp nudiste. Ah mais non. Il a dit vous êtes les plus beaux nibards d'Europe. Oui, c'est moi. Ah alors bon je suis pas hyper connue. Ah, c'est fou. Et on faisait la blague avec mes potes, t'imagines et tout. Et en fait, c'est arrivé. J'étais hyper gênée. Incroyable. J'étais très gênée d'ailleurs parce que je fais pas ça souvent. C'est une copine qui a acheté une maison dans un grand centre, le centre de Montalivet. Ah, tu donnes le nom et tout. Bah, faut pas dire les noms. Tu peux, on s'en fout. T'y retournes tous les étés, c'est plus ça. Si c'est ça, on a 2-3 ouf hein, quand même dans les auditeurs, hein, c'est sûr et certain. Rendez-vous derrière la caméra. C'était la première fois et tout, et voilà. Non, je suis jamais retournée. Et tu as apprécié l'expérience? Je me suis toujours dit que c'est un truc que j'aurais aimé essayer et que j'ai pas le courage. J'ai aimé, mais j'ai vraiment mis du temps à être à l'aise. Après, c'est un peu décevant parce que comme il fait très froid. À 17h, tout le monde est habillé. Ah oui. Oui, oui, oui. Ah, mais oui, c'est naturisme textile le soir. Ouais, parce qu'il fait froid. Tout simplement. Bah, tout bien sûr. Et puis, quand il y a quand même des animations, karaoké, tout ça. Ouais. Donc, les gens s'habillent, quoi. Ah oui, non, d'accord, je croyais qu'il était à poil au moment du karaoké. Oui, moi aussi, je croyais. Je pensais qu'on. Ah ouais. Tu vois, mais non, ça. Tout le monde était habillé. Donc, j'étais un peu déçue. Ouais, c'est ça. Oui, en fait, la fenêtre de tir est toute petite. Mais il y a quand même un truc où il y a une piscine avec des toboggans, et là, c'est rigolo. Ah oui. C'est un peu rigolo. Mais qu'est-ce que je matais? Bah oui, mais moi, c'est ça, en fait. Je me dis, même si je le faisais qu'une fois, les yeux tombent. Ah ouais, je faisais que mater. Je me dis, mais arrête, Alison. C'est pas possible. En même temps. Oui, mais t'es. Non, mais je pense que si t'es nudiste souvent. Tu n'as plus le regard qui plus tombe sur le plus cul. Plus du tout partout, justice nulle part. Non, ouais. Mais. Pubis nulle part. Non, c'est ça que t'as dit? Non. Pas du tout. Ah bon, pardon. Non. Pubis partout, j'ai. Ouais, voilà. Moi, c'est pas grave. Une belle mieux, équipe. Mieux. Je rebondis ça, mais. Apparemment, c'est bien de rebondir une fois, la fois d'après. Trop pas bah non, mais je suis pas obligée de tout valider non plus. Elle était bien. Elle était bien. Tout à l'heure, j'ai dit mieux vaut tard que jamais, personne. Ah. Il revient sur une balle il y a 6 minutes. Qui va être coupé? Non. Sophie Marie, t'as fait une. Peut-être pas nudiste, mais t'as fait un truc genre. Allez, je le tente une fois et off, pas ouf. Moi, je suis un peu exhib, donc je sais que j'aimerais bien. Mais tu l'as jamais testé, c'est marrant. Mais je le fais, je me dessape hyper facilement. C'est mon dentier. hyper facilement. Non, je l'ai jamais fait, mais j'aimerais ça. T'aimerais le tenter. Ouais. Je t'emmènerai. Je te ferai découvrir. Ouais, je t'emmènerai, découvrir bébé. Je t'en ferai voir des choses. Alors, vous le savez, on adore les records du monde dans le Floodcast. Oh, il y a quelque chose qui a duré 58 heures, 35 minutes et 58 secondes. Je vous demande de deviner ce que c'est. Un coït ? Voilà. Non, pas un coït. Est-ce que c'est sexuel ? C'est pas sexuel. Isabelle Mergault, quoi, vraiment. Est-ce que c'est sexuel ? Alors, ce n'est pas, c'est pas sexuel, mais c'est pas si éloigné. C'est pas si une éloigné. Galoche. Très bonne réponse, oh, Adrien Méniel. 500 euros dans la valise. Allez, dans la poche. Excuse-moi, Adrien, est-ce que t'as notre temps ? Non, je crois pas. Non, non. Plus long baiser du monde. Alors, ce qui me fait un peu marrer, c'est que sur l'article, je suis désolé, c'est un podcast très visuel, mais vous googliserez. Hein. Le couple est extrêmement fatigué et triste. Bah, la femme est en pleurs. Hein. Littéralement. Et le mec, ouais, et le mec est fait genre, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Bah, le mec n'est pas amoureux d'elle. Clairement, là, sur la photo, tu te dis putain. Est-ce qu'il a de la barbe ? Non, il est. Mais ils ont des séquelles, forcément. 58 heures, c'est très long. Ouais. Tu peux rien faire 58 heures. À mon avis, en termes de suc gastrique, c'est dégueulasse. Du coup, tu peux faire une suite à Piège de cristal. 58 minutes. Comment ils ont fait pour s'hydrater? Alors l'histoire. Peut-être qu'ils avaient droit à des pauses. Paille qui rentre. Non, mais déjà juste 58 heures comme sans dormir, déjà c'est horrible. Mais tu sais, c'est comme ce truc de Mr Beast là, où ils doivent mettre la main sur une voiture ou sur un million d'euros, et le dernier qui enlève sa main gagne la somme ou la voiture. Trop bien ça. Et ça reste longtemps quoi. Bah pareil, je crois que ça dure 40 heures, un truc comme ça. Ah, c'est là, tout. Ouais. Mais attends, mais pour 40 millions, moi je laisse ma main 2 semaines sur le dos. Tu crois. Et bah justement, moi j'ai vu la vidéo de Mr Beast. Et en fait, ce qui est fou, c'est que le. Je l'adore. Bah c'est ton bro, je crois. Ouais. À la fin, quand il n'y en a plus que deux. En fait, ils sont tellement dans un état de fatigue et de à bout que le gars fait vraiment, enlève sa main pour se gratter le genou. Oh, tu sais, il y a vraiment un truc de oh putain. C'est oh, tellement non. C'est un truc qui te bouffe le je mental. Je pourrais pas et... regarder ça. Ah bah c'est horrible parce que le gars est vraiment, il remet sa main et il voit le gars en face et il fait bah, j'ai enlevé ma main. Putain. Tu sais, c'est vraiment un truc de bah ouais. Je le gifle. Mais non, mais c'est vraiment ton corps lâche, je pense tout putain, simplement. Putain, mais il faut faire de l'argent, frérot. Il est fou celui-là. Mais alors, ce qui est terrible avec ce couple qui a fait ça pendant 58 heures, etc., c'est qu'ils ont gagné 2500 euros. Donc, je trouve la somme un peu petite quand même. Après, j'ai peut-être perdu toutes les valeurs de l'argent, mais 58 heures, je trouve que c'est vraiment long quand même. Ils se sont séparés derrière. Ouais. Bah, non, mais surtout, non, mais ils ont gagné deux bagues en revanche. Deux bagues en diamant. Donc, ça, c'est pas mal, assez stylé. Ah, bah voilà. Mais il y a moyen qu'après, t'aies plus jamais envie d'embrasser la personne de ta vie, quoi. Oui, c'est possible. Ou que tu repenses en flashback de ça. Tu dois bouger un peu, c'est pas juste un smack collé, tu dois un peu bouger. Oui, j'espère. Bah, il n'y a pas de vidéo de quoi ils ont fait. Et c'est, mais ils peuvent même... parler en même temps. Alors, ça va, écoute, ça va bien, tranquille. À Toulouse. Quoi ? Ah, bah tu Toulouse. Vois. Toulouse. Une date d'ailleurs à laquelle vous pouvez encore acheter vos places sur le site. Parce c'est qu'en fou, gros. Hein, le sud, ouais. City. On a fait en gros une OP. Enfin, pas une OP d'ailleurs, mais en gros, le tourneur avait une. Pour la tournée du Floodcast, était en. Comment on appelle ça ? En exclu avec CityCats. Bon, on n'avait pas la main là-dessus, le site a un peu merdé, donc des fois ça annonçait complet, on n'était pas complètement complet. Parce que bon, les gens n'avaient pas validé leur panier. Des histoires de panier. Mais aussi les salles gardent en fait des tickets pour leur propre site. Et donc sur le site, si vous allez sur le site, s'il y a des habitants de Toulouse qui veulent des places, je crois qu'il en reste encore. Si vous allez sur le site, allez sur du le Casino Barrière. Du Floodcast, Florent. T'as créé un Linktree, c'est vrai, un Linktree pour avoir tous les liens. Dont le lien effectivement pour prendre des billets. J'ai compris. Donc, voilà. Vous voulez qu'on vous remplisse votre date à Toulouse, c'est ça, Alison et moi. Ça serait pas mal, mais faudrait que vous ayez des petits happenings à faire à Toulouse. Un instrument, un truc. Peut-être quelque chose qui pourrait régaler un petit peu les auditeurs, quoi, tout simplement. Attention, aïe aïe aïe. C'est maintenant. Vous allez reconnaître le morceau. Un blind test flûte. Excellent. Ça peut être toute l'émission pour moi. 3, 4. Le lion est mort ce soir. Tu es moi. J'ai adoré le flux de la flûte. C'est le flûtecast. Mais t'en as plusieurs ou pas? Pas mal. Il faudrait que je lise ma partition. Tu sais lire une partoche. Oh. Bah attends, la 20 sur 20 musique. Je suis extrêmement triste. J'avais oublié la kéna. Bon bah voilà, ça on coupera la kéna. Personne n'a écouté ma blague qui était vraiment super. C'était quoi? Le flûtecast. Ah oui. La musique dans la peau. La la la la la bobo. Personne connaît les paroles. Non, heureusement peut-être. Non, t'imagines, tu traduis. Oh mon dieu. Oh mon dieu, quelle erreur toutes ces années. C'est une ode au ménage. Ah oui, parce que balayer, mastiquer, casa toujours. Pimpante. Ouais, toujours. Ouais. Donc à Toulouse, une jeune femme a eu une mauvaise surprise au réveil au lendemain d'une date avec un gars. À votre avis, laquelle? Il était toujours là. Pas vrai les filles. Si vous cherchez un allié, si vous cherchez un allié, il y en a un énorme devant vous. Et alors, sachez que quand je vais mal, j'écoute le Floodcast. Ah. Bah, beaucoup de gens apparemment, et d'ailleurs ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Donc c'est quoi la surprise? C'est que c'était son frère. Mais non, mais non. C'était un animal. Il l'a cambriolé. Alors tu te rapproches. Oh. Il l'a pas cambriolé. Mais... Il a volé son chien. Non, il a volé un truc. Il avait volé quelque chose. Il avait volé. Il a volé les sa fierté. Sa télé. Non, alors. Bon, enfin, alors c'est pas cambriolé donc. Sa virginité. Il a volé un truc insolite, son Thermomix. Alors non. Non. Ça coûte très cher. C'est vrai, c'est vrai. Ça, les gens se rendent pas compte, mais. Son air fryer. Non. Il a volé un truc assez basique, mais un pas de truc. Portefeuille. Non. Il a volé son, alors, son, part, oui, son mais... single de Olsen. La table basse. Non. C'était une table qui gueule, il a pas résisté. Hurle pas. Ah, son sac. Non, pas son sac. Non, mais non, on a la dit la porte insolite. D'entrée. Pas la porte d'entrée. Non, mais c'est pas insolite, tu dis ici. Non, pas spécialement. Non. Ah, c'est juste un fait div, quoi, en c'est fait. C'est vrai. On est il lui avait volé les clés de chez elle. C'est devenu hebdomadaire, donc si tu veux, je suis obligé de baisser un petit peu le niveau des trucs. Non, il est parti avec. Non, mais c'est un truc un peu fou quand même. Quand tu te le réveilles le lendemain. La PS5. Non. Ah. Imagine. PS5. Attends. Les boules. Non. Radio cassette. Non. Un gros truc. Un gros truc. Ouais. Donc pas télé, sa voiture. Il est parti avec sa voiture. Il a pris les clés de sa caisse et il s'est barré avec sa bagnole. Stylé. C'était quoi la voiture? Arsène Lupin. Vous m'avez vu? Vous avez pas regardé? J'ai l'impression. C'est Laurent Baffy qui a retrouvé les clés de sa voiture. C'est ça la chute de mon film. Le film est bien. Private joke. Ouais. On l'a. Un habitant dans le secteur de la Croix Dorade. Non, la voiture, ils disent pas. Ils disent pas la marque. Ils disent pas la marque. Ils disent la rue, mais voilà. Ouais, ils disent pas la marque. Ah, parce que vous avez eu des expériences de date qui sont mal passées ou c'était pas ouf? Devine. Une petite à nous partager, peut-être. Une petite à partager à la France, aux auditeurs. D'abord du podcast. Toi et après moi. Alors moi j'avais déjà parlé de la chasseuse, oui. de la chasseuse d'extrême droite. Qui disait, oh, on peut quand même rigoler en faisant des blagues atroces. Alison, toi tu as eu quelque chose comme ça? Moi, au cours du même rendez-vous, on m'a renversé d'abord une tasse à café brûlante, puis une bière. Au moins il y avait du café. Est-ce que la bière était pour calmer la brûlure? Non, c'est juste. Oh, pardon. Il a uriné pour calmer la brûlure, malheureusement. Non, mais ça c'est les méduses. Et après j'allais à une projection de film, donc je sentais la bière. Ah merde. On a les poches trônes. Mais pour comment? C'est juste quelqu'un de très maladroit. Oui. Il était nerveux, genre. Ouais. Ah, merde. Mais en plus, vous avez bu le café avant la bière. C'était bizarre comme soirée. Parce que c'était. C'était tôt, c'était l'après-midi. Ah oui, voilà, c'est ça. Sophie Marie. En fait, je crois que non. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. J'ai cru. Non, mais c'est que des vieux dos à l'époque où j'habite en Alsace, donc c'est tu, pas. Tu peux nous en partager un au débeauté. Ah, bon, comme ça. Un qui fout pas le cafard. Ah oui, c'est possible. Ok, ouais. Alors attends, je réfléchis. Bah dans ma J'étais en date avec un gars qui a hélé un vendeur de roses. Les roses étaient bleues. Et il m'a dit t'en veux une. Un album de Benjamin Biolay. Les roses étaient bleues. Il m'a dit t'en veux une. J'ai dit bah ouais, vraiment bouffonne. J'avais 21 ans, je pense. Donc voilà. Quoi, bouffonne? T'as le droit de vouloir des fleurs, enfin. Regardez, il n'est pas construit une seule seconde. Mais il non, est mais totalement non, mais là, c'est juste. On est tout le temps en train de se rabaisser. Je vois un kit. Tellement il est déconstruit. Ikea, moi. Ouais, vraiment. C'est un malmeux. Stan Trug. Et donc le gars l'appelle. Moi j'étais là, je buvais du petit lait, je vais pas vous mentir. Bah. Et il s'est retourné vers moi, il m'a dit t'as 2 euros. Ah yes. Pas mal. Donc ça va. Pas mal. Mais c'est plutôt moi qui ai mis qui ai fait des trucs pas des galères, mais un peu de gênance. Je suis allée, je suis sortie, j'avais une sorte de date avec quelqu'un et j'ai rencontré une autre personne pendant le date et je suis partie avec l'autre gars. Ah, sympa. Sympa, une pièce de théâtre un peu, mais vraiment, il rentre, elle sort, je te jure. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est dans un film, c'est la méchante du film. Ouais. C'est vraiment une comédie romantique et c'est vraiment la méchante. Mais c'était cool. tout de même. Chambé. Ouais, voilà, c'est ça, aucun regret. Pas une once de regret. Non, c'était super. J'ai... Mais ça, c'est un peu difficile quand tu fais. Alors, moi, j'ai daté il y a des années bien et des sûr, années. Bien sûr, bah oui. Mais j'avais fait un rendez-vous avec une nana que je trouvais cool, que j'avais croisée à une soirée cool. Après, ah, bah, on boit un verre. Et le verre est. Je sens que ça passe mieux pour elle que pour moi. Genre, elle, je... c'est un peu horrible. Je sens qu'elle passe un bon moment. Elle t'aimait. Et moi, bon, elle était folle amoureuse. Si tu veux. T'as été obligé de faire un gosse, du coup. C'est ma malédiction. Hein. Pour me faire plaisir. Mais à ma... Je veux rajouter un incipit. Un excipit à mon histoire. Que t'as eu en les biscuits. Oui, c'est ça. Excellent. Pendant longtemps, j'étais vraiment une bouffonne. Et un jour, j'ai décidé. Et si je me jugeais pas moi, qu'est-ce que je ferais? Et ben, ça donne des trucs comme ça. Et franchement, je passe des excellentes soirées. Bah ouais, c'est mieux. Ouais. Un conseil qu'on peut donner aux gens. Soyez égoïste. un peu, c'est vrai. Moi, j'ai plus de vésicule à cause des bonhommes. Enfin, tu vois, à un moment donné, je me dis bon, peut-être que je peux profiter. Non, mais bon, il s'en remettra, le mec. C'est un argument. Non, mais c'est vrai. Il s'en remettra, le mec. Et en vrai, pour peu qu'il fasse du stand-up, ça lui donne du petit biscuit. Je suis pas quoi. Sûr qu'il s'en remette, mais. Un homme. Ah. On parlait des hommes. Alors, qui vous dit un homme a perdu 10 kilos. Ils sont trash pour moi, je vous le dis. je tenais à le préciser. Enfin, Dan Arbrun. Est-ce qu'il y a seulement un moment où tu dors ou tu es tout le temps woke? Non. Non, d'accord. Putain. Pas une once de sommeil. Un homme a perdu 10 kilos, s'est bloqué le dos et est devenu dépendant aux analgésiques. Mais à votre avis, pour quelle raison? Une raison un peu marrante. C'est pas juste s'il était dépendant. Alors, j'ai compris le setup. Il a perdu 10 kilos. Il est devenu dépendant aux analgésiques et il s'est bloqué le dos. En combien de temps? Sur plusieurs essais de quelque chose. Je peux pas trop vous dire quoi. Okay. Alors attends. Ah, il suçait. Alors, il essayait. Il s'est fait une lombalgie. Une lombalgie. Il a tenté de. En voulant sucer sa propre queue. Exact. C'est joliment dit, mais oui, c'est mais ça. En tentant de sucer sa propre queue, effectivement, une autofellation. Beaucoup de. Et en gros, à la base, il a perdu 10 kilos parce que bah, fallait qu'il perde du poids. Parce achète que une flèche light. Il n'y a pas quelqu'un qui s'était enlevé une côte. Non, ah, c'était Marilyn Manson. C'était la légende de Marilyn Manson. Je trouve que tu lis un peu en diago et je vois que tu t'es cheaté, donc je me demande si. je vais à la salle. Je cours beaucoup. Écoutez, ma meuf était enceinte, on vient d'avoir un bébé, faut trouver des petites astuces. Putain, mais enfin, je sais pas, moi, t'as jamais essayé dans un bain? Non, bah non. C'est fou, alors c'est drôle, la technique du bain, j'en avais entendu parler. Tu te mets dans le bain, ça glisse et tu te mets. Je l'ai lu dans un livre, je l'ai lu dans un bouquin, et tu glisses sur le côté, paraît-il. Et du coup, tu te rapproches tout doucement. Et... Bien sûr. Magie. J'ai essayé une fois, j'ai fait me noyer. Comment il est mort? Bah alors terrible. J'ai fait une culbute, j'arrivais plus à me remettre. Oh non, je veux pas mourir comme ça. Oh, c'est trop con. Mais j'étais petite. Hein. Non, mais moi ça m'a jamais tenté non plus Motoceus. Mais c'est comme on avait eu ce débat sur goûter son sperme, où moi j'ai jamais fait ça, et vraiment des gars me regardaient avec. Bah moi je l'ai fait moi. Voilà, et il y avait des gars, mais moi, toi à la limite tu l'as fait, mais qui m'ont vraiment presque jugé, genre bon gars, bien sûr que si. Et pas du tout, j'ai jamais eu envie de goûter mon sperme. Bah moi j'ai pas eu envie, mais je. Non mais la curiosité. Ouais, mais moi ouais. Vous avez déjà goûté du lait maternel? Non. Moi oui. Ah, et c'est alors? Bah ça dépend des amis ou de ce qu'elles ont mangé. Plusieurs fois donc. Oui, deux fois. Après le sperme aussi apparemment ça dépend des amis. Au pis de la vache ou dans non, un... dans un lait, dans un verre, elle avait mis ça dans un verre. Dans un petit gobelet. Pas vrai. Ouais, un petit une pinte, oui, on était dans un bar en fait. Un bar. Bon, on était dans un bar. Puisque vous voulez savoir, tout le monde me demande. Tous les détails, apparemment. Mais on avait un peu bu, elle ressortait après. Bien voilà, sûr, et elle, c'était, ça faisait 3 mois qu'elle allaitait déjà, puis elle espaçait les. Et puis il part. Ouais, les traits. Les traits, comment on dit. Les tétés. Les tétés. Ouais. Elles disent pas ça, les mamans. Il y a un ça. Autre mot. Et en fait, elle dit mince, j'ai une montée de lait, il faut absolument que je vide mon. Oui, sinon ça fait mal, par exemple. Ça avait un peu mal et tout. Et du coup, je dis bah attends, je finis ma bière vite, clac, on va aux toilettes. Et elle commence à, du coup, mettre. Dans mon verre, et là on s'est regardé toutes les deux, elle m'a dit tu veux goûter, moi j'ai déjà goûté, franchement c'est pas mal, et donc voilà j'ai goûté, c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal, parce que moi j'ai goûté, c'est comme du lait de riz, voilà. Oui, c'est ça, pas... manque de goût en fait. Oui, voilà, c'est un peu décevant, mais c'est pas, parce que moi du coup ma fille n'est pas allaitée, on lui donne du biberon en poudre, et j'ai voulu goûter. Et c'est pas bon du tout. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. Ça, j'ai jamais goûté. Ouais. Et j'en recommande, dégueulasse. Parce qu'à Top Chef, c'est pas c'est... assez. Hein. Ouais. Oui, mais je ne suis pas Cyril Lignac, excuse-moi. Non, mais ça a un goût. Moi en fait c'est ça, c'est un vrai manque de goût quoi, c'est vraiment genre je sais pas, ça manque d'un, ça manque de tout en fait. C'est pour leur, les habituer à ce que la vie soit pas ouf. Sans saveur. Tu vois. Sans aucune saveur. Oui, mais quand tu vois comme ça la rend folle quand elle a faim. Ah ouais. Comme quoi c'est vraiment la le, l'estomac qui parle quoi, c'est pas bien le sûr. Goût, tu sens que c'est pas le goût quoi. Toi Adrien, non, un petit lait maternel. Faut savoir qu'Adrien a récupéré le kleps de la de Sophie Marie. Et prend des photos avec. Comment s'appelle ce petit chien d'ailleurs ? Alors, officiellement, il s'appelle Boulon Dylan Itachi Laroui. Ou Anthony à l'extérieur. D'accord. Mais on l'appelle Boubou. Boubou. Oui. Et c'est quoi comme chien ? C'est un pomsky. Oh, c'est trop mignon. Ouais, et on a essayé de me le voler pas plus tard qu'hier soir. Aïe, aïe, aïe, parce que c'est trop mignon. Parce que c'est très c'est onéreux. Voilà. Ah oui, ça coûte cher. Ouais. Le juste prix. Ouais, ouais. Ah là là, quelle horreur. Des internautes. Je sais. Des internautes. Oui. Des nous. Internautes. C'est nous. Des quoi ? Des internautes. Des internautes. Des internautes. Des Camille. Internautes. Des internautes. Des internautes. Lève-toi, des internautes. C'est décidé. J'avais trop ta douleur. Trop ta douleur. C'était pas mal, hein, Camille. Il y avait j'adore des trucs Camille. Cool. Elle avait fait une chanson qui était bah, justement, on parlait de Gaspard Ulliel, qui est dans Juste la fin du monde. Home is where it hurts, je crois qu'elle la chanson s'appelle. Elle est vachement bien. Tu conseilles, non, tu conseilles musique, bien sûr, mais tu fais bien. Des internautes, donc, ont crié à la censure suite à la diffusion. Un épisode de Ladybug. Est-ce que vous savez ce que c'est Ladybug ? C'est un dessin animé très connu chez les enfants. Il n'y a pas de patrouille, il y a Ladybug. À votre coccinelle. Avis, qu'est-ce qui a été coupé ? C'est une coccinelle. C'est une super-héroïne coccinelle. Okay, okay. Ils ont crié à la censure. Quelque chose a été coupé d'un épisode de Ladybug sur sa diffusion. On voyait ses tétons. Non, on ne voyait pas ses tétons. C'était une grosse. Non. Ça va, Sophie Marie ? Moi, j'ai le droit, j'ai mon passeport. Ah, ok, c'est bon. Bah, tu nous le montreras quand même à la fin de l'émission que je ne fasse pas une connerie. Non, c'est quelque chose a été coupé et les gens créent la censure parce que c'est quelque chose où c'est un peu bizarre que ça ait été coupé. C'est-à-dire que si c'était une énorme tub, on pourrait dire oui, je comprends dans un dessin animé pour enfants. Et ben tout simplement, en fait, le contrôleur disait qu'il demandait la carte d'identité au personnage et disait vous n'avez pas de ticket et pas de carte d'identité, on va voir la police. Elle allait voir la police et elle connaissait le policier. Et le policier disait oui, mais si j'ai pas votre carte d'identité, malheureusement, ça va être compliqué, etc., etc. Tout simplement. Mais le fait de couper cette scène, effectivement, a soulevé des questions. Mais pourquoi couper cette scène ? C'est quand même très bizarre. Serait-ce pour protéger la maréchaussée ou ne pas présenter les policiers sous un ordre sympathique ? C'est ce que soulève un tweetos qui a partagé j'avoue. Ça sur Internet, tout simplement. Après, il est toujours 13h12 à ma montre. Hein. Ah bon ? Elle a vu une petite lampée derrière. un garagiste. Tout ce qu'il y a de plus à câble. Non mais c'est ouais. ça file ben quoi. Oui, mais parce c'est... que tu dois partir à 17h, ma petite Sophie ouais, Marie. Donc partir, on fait attention. Ouais. Moi tranquille. Un garagiste. Tout ce qu'il y a de plus à câble s'est vengé d'un gendarme. À votre avis, de quelle manière ? Il a coupé ses câbles de frein. Il est décédé. C'est très violent. C'est une grosse vengeance. C'est moins violent que ça. Non mais non. Mais c'est lié en tout cas effectivement à l'automobile. Ok. Alors. L'automobile. Bon. Du big deal. Il a pété dans sa voiture. Il avait les cardans abîmés. Non. Il lui a mis des autres cardans mais de R21. Puis alors là, après. Qu'on sait que c'est un merdier comme le peigne. Yannick Noah, il a les cardons aussi. Et Vanessa Paradis. Il a changé son alarme de gyrophare. Non, enfin, mais. Un truc de. Ah, son klaxon. Son klaxon. Qui dit moi, je suis une merde. Moi, qui klaxonne. Moi, je suis une merde. Ah, moi, je suis une merde. Non, non, mais il a trafiqué un truc sur une bagnole. En l'occurrence, pas celle du flic, sa propre voiture. Attends, il a trafiqué sa propre voiture. Le garagiste a trafiqué sa propre voiture pour niquer le gendarme. Il a mis. C'est machiavélique. Je vous le dis, c'est machiavélique. Est-ce que c'est un truc avec les plaques d'immatriculation où elles peuvent pas être. Elles reflètent et du coup les radars ne voient pas. Il a la plaque d'immatriculation du gendarme et il se fait flasher et comme ça il a plein d'amendes et tout. Très bonne réponse d'Alison Chassagne, qui d'ailleurs va nous faire un morceau de flûte tout de suite. mais anti-police. Attendez, faut que je la ressorte. Oui, c'est bon. C'est bon, je l'ai. Allez, vous êtes prêts? Okay, vous devez deviner, hein. Bien coupez-moi sûr. Vite parce que je vais pas arriver à le faire. Jusqu'au t'inquiète pas, ça va aller très vite. Il y a des reflets. Oh là là, le. Je l'ai. Attendez, elle est mouillée. Bon. Alors pendant ce temps, je raconte une mini anecdote. Alison arrive chez moi un soir, on était avec des copines, les meufs de Derby Girl, et elle dit, je vais vous faire un cocktail, il y a un secret dans ce cocktail. On boit, on est raptastenda. Je m'entends. Et elle lui dit, mais c'est quoi le secret ? Elle dit, le secret, c'est qu'il n'y a pas de soft. Tu lui as fait un cercueil. Vous vous souvenez de ce truc ? Non, je le cercueil, pas, c'est ce que faisaient les gars, moi, quand on faisait des teufs. tout ce qui restait dans les bouteilles était mélangé dans un saladier. Et tu devais boire, et c'était le cercueil, parce que c'était la fin de la soirée. C'était en Bourgogne. Évidemment. Ils sont tous morts. Et après, ils ont tous pris la voiture. Mmh. Allez, vous êtes prêts? Allez, vous êtes prêts? Oui, ouais. L'Olympia, vous êtes là. Je vais vraiment comme ça vite fait. Hein. Ouais. À la Clairefontaine. Oui. Je croyais que t'allais nous sortir un Genesis. Ouais, sais. J'avoue. Moi, je m'attendais à Jay-Z. En fait, je pouvais faire l'autre, mais j'ai un petit doute. Je l'ai pas bien. Non, mais t'inquiète. Je l'avais mal. Garde-en pour. Je l'avais mal coloré à l'époque et j'ai un doute sur la note que c'est. Parce que c'était au crayon papier, ça s'efface avec le temps. C'est terrible. C'est le problème du crayon papier. Je vais vous dire quand même ce qui s'est passé avec cette histoire de gendarme qui a copié la plaque de ce garagiste pardon qui a copié la plaque d'un gendarme. L'histoire d'une vengeance machiavélique qui vient de trouver son issue au tribunal judiciaire de Troyes. Dans la victime, un gendarme du département de l'Aube, n'a pas compris pourquoi le 8 février 2019, il a été pris en flagrant délit d'excès de vitesse. Il se trouvait, tout comme son épouse, sur son lieu de travail. La plaque du véhicule du gendarme arbore le sigle de la Champagne-Ardenne quand sur la photo, on remarque celui du Grand Est. Oh punaise. Un épisode des experts. Ah non, mais meurtre en Champagne là. La plaque est donc fausse. En observant des images de vidéosurveillance, les enquêteurs observent un comportement étrange, comme si le conducteur avait délibérément accéléré pour être flashé sur le radar. Comportement étrange. Un véhicule identique sans plaque d'immatriculation est retrouvé non loin par les gendarmes sur le parking d'un garage près de la ville de Romilly-sur-Seine. Romilly-sur-Seine. Le dirigeant de l'établissement est connu pour avoir multiplié les excès de vitesse et a subi une suspension de permis de plusieurs mois en 2018. Le gendarme au cœur de l'affaire faisait partie de l'équipe présente le jour du contrôle ayant entraîné la suspension du permis. Après plusieurs mois d'enlisement, en partie dû à la disparition des images de vidéosurveillance, supprimées la veille de la demande car trop ancienne, un ancien salarié du garage fait avancer l'enquête. Il apporte une photo de la fausse plaque d'immatriculation. C'est une autre découverte qui conduira les gendarmes à soulever la vérité. Le garagiste aurait obtenu le numéro de plaque du véhicule personnel de la victime via un autre gendarme. C'est la série Marseille. Il serre les coudes entre eux. Bien sûr. Bah non, justement, c'est un flic qui s'est vengé d'un autre flic. Je m'étonne. T'as rien écouté. Bah non, pas du tout. Il a été condamné en tout cas, le garagiste. Oh là là, et oh. Le garagiste, devant le tribunal, sans parvenir à convaincre, il est condamné à un an de prison avec sursis simple pour usurpation de la plaque, conduite malgré une suspension de permis et recel de violation du secret professionnel. Bien sûr. Après, le gendarme, comment il est habillé? Putain. C'est un épisode très woke pour le moment, attention. Vous êtes déjà vengé de quelqu'un, vous? Alors peut-être pas de façon aussi machiavélique et longue, mais en tout cas une espèce de petite vengeance personnelle. Sophie Marie, c'est sûr que oui. Mmh. Je vois en toi, quand je zoome dans tes yeux, il y a des flammes avec le Requiem de Mozart. Mmh. Qu'est-ce que t'as fait? Tranquille. Tu veux pas le dire? Je peux pas. Ah, wow. C'est en cours. Ah d'accord, ah, ok. Ah, ouais, ah d'accord, c'est la pas personne moi. Est encore vivante, donc elle peut pas. Mais elle est en train... C'est un petit feu de mourir, c'est ça. Tout simplement. Toi, Alison? Jamais, je me dis toujours que la vie s'en occupera. Et pour le moment. Parce que je suis juste pas courageuse. Voilà. C'est ce que disent les lâches. Et pour le moment, ça fonctionne ou pas? La vie s'en occupe ou la vie est sur autre chose? Ouais, non, ça marche plutôt bien. Hein. Ah. Ouais. Tu crois au karma un peu? Ouais, je crois. Ouais. Moi, je crois au karma, mais dans l'autre sens. Je me dis, il faut que je fasse des trucs bien, comme ça. Ça me regérira dessus plus tard. Mais c'est parce que t'as beaucoup ghosté par le passé. J'ai ghosté les trois quarts de l'Île-de-France, plus ou moins. Mais en termes de vengeance, si je peux juste préciser, oui. Comme l'ex-Kipit, comme ouais. tout à l'heure. Exhibit, le rappeur. Oh, excellent. Ex. Bien sûr. Je me rends compte que je suis beaucoup plus rancunière que ce que je veux bien admettre. Mmh. Et que je suis très à cheval sur la politesse. Et que vraiment, si quelqu'un est impoli avec moi, ça me reste. Donc j'ai déjà. En travers de là. De la gorge, ouais, carrément. Ouais. Je les ai là, comme on aurait dit dans les années 80. Ça te fout les abeilles direct. J'ai déjà fait virer une meuf parce qu'elle avait été mal polie avec moi. Parce qu'elle avait pas dit bonjour. T'es Vald en fait, tout simplement. Ouais. Je l'ai rencontré, Vald. Ah alors. Oui, j'étais à son Planète Rap. Oh, qu'est-ce que tu foutais dans un Planète Rap avec Vald? J'ai reçu Fred Musa de Skyrock. Et donc il m'a invité à Planète Rap. Alors une crème, Vald aussi très sympa. Il ressemble vraiment fort à Françoise Sagan, donc c'est dur comme c'est dur de voir ça. Ah putain. Un blond cendré magnifique, il est très chou. Plutôt bon album d'ailleurs le dernier. Moi je l'ai plutôt, je l'ai pas aimé à la première écoute. Enfin j'ai pas adoré à la première écoute. Pareillement. Et là j'y reviens et je fais si j'aime bien quand même. Ouais. Par tous les chemins tu reviens. Ouais. Oh, Chimène. En tout cas je viens du sud. Ça je peux te le dire. Michel. Oui mais Chimène aussi quand même. Moi je l'ai d'abord découvert avec Chimène. Voilà. Oui mais tu sais ça a un nom d'ailleurs le de fomenter des fois, de dire ah putain j'aurais dû dire ça, ça s'appelle l'esprit de l'escalier. Voilà, parce que oui, mais c'est, j'aurais dû faire ça. C'est ça, j'aurais dû répondre ça aussi, j'aurais dû lui dire ça. Alors, moi, tout, c'est tout, ça. Toutes mes interactions sociales. Si j'ai entendu flomenter. Je ramène toi, moi. Tu flomentes. Si je peux donner un conseil, ça c'est de la projection et c'est pas bon. Si vous voulez vous venger, faites-le à hauteur de ce que vous êtes en mesure de faire, parce que sinon, vous passez le soir dans votre petit lit à imaginer que vous étranglez à main nue des gens et franchement, c'est pas bon pour l'eau du corps. Or, on est composé à 80% d'eau, ouais. Et comme 80, dirait t'es sûr du chiffre ? Un peu plus et on c'est a ce le... qui fait qu'on peut pas se sucer d'ailleurs. C'est lié à et ça. On a 92% d'ADN commun avec une banane quand même. Non, c'est vrai, je l'ai entendu dans... Mais ça, tu l'as vu dans, une, dans, une, dans un petit bonbon, un petit chocolat à Noël. Non, je crois que c'est Bruce Benamran qui m'a appris ça. Ah, ouais. En Belgique, et ça, je pense, ça va plaire à Sophie Marie parce qu'elle est amoureuse du terroir... Tu parles au chien. Tu parles au chien pendant l'émission. En Belgique, et je disais que ça allait plaire à Sophie Marie parce que c'est des amoureux du terroir, c'est des gens qui lâchent pas leur petit coin de paradis, et ça, je pense que ça peut te parler. Merci. Un homme a refusé de quitter son domicile, de laisser sa maison se faire détruire. Résultat. Ah, mais c'est le mec qui a accroché des ballons et qui s'est envolé avec sa maison. C'est non, ça, non ça, je crois que tu confonds avec le film Là-haut. Ah, non, non, mais je crois. Oui, oui, mais cela dit, ça reste. T'as pas dit que c'était un vrai gars. Oui, c'est vrai. Alors d'ailleurs, truc très mignon. Le terroir de New York. Ma meuf a confondu un personnage, un vieux dans un film. Elle dit, mais je l'ai vu dans un film, ce vieux, mais il me dit quelque chose. Et après, elle fait. Ben, je l'ai confondu avec le vieux de là-haut. Oh. Donc un vieux de dessin animé. Génial. Avec un vieux dans un film. Bah, elle est déconstruite. Elle ne fait pas de différence entre les personnages réels et les personnages de dessin Moi, animé. Je connais une personne qui pourrait jouer, qui est le sosie du personnage de là-haut, c'est Claude Duty. Oui. Ah, je le connais pas, mais on peut googliser. T'étais pas venu au Festival des Arcs T'étais venu une fois. J'ai venu une ça fois. Ça se mange. Oui. Alors bon c'était bon. Là avant qu'on arrive. Ah bah non. Donc, alors, sache qu'il Claude Duty, effectivement. Rappelle, je vois à quoi il ressemble et effectivement. Sympa d'ailleurs le mec. Ouais. Et ben effectivement. Alors Claude Duty, à ne pas confondre avec Call of Duty, oui. Qui est un jeu vidéo et qui a rien à voir avec lui. Putain. Non mais c'est vrai, rien c'est à voir. Et c'est vrai qu'il lui ressemble. C'est cela vrai. Dit, ils avaient pris pour la voix française du gars de là-haut Charles Aznavour. Oh mais attendez, j'ai l'impression que quand on dit son nom, le grand Charles nous rejoint. Ça, vous allez bien Charles? Alors, Charles, bon, vous savez qu'il y a un film qui est en train d'être fait sur vous. Vous voyez qui pour interpréter votre rôle? On en parlait tout à l'heure dans l'émission sur qui pourrait jouer quel chanteur, quel machin. Kian Colondi. C'est vrai, pourquoi pas? Je sais pas. Bah attends, je me permets, comment ça, pourquoi pas. Comment ça, je sais pas. Non, c'est moi, Adrien Méniel. Oui, voilà, tu. Parce que... Non, j'ai dit oui, je fais confiance à Charles. Ah, tu fais confiance à Charles. C'est du théâtre immersif, là. C'est Sleep No More. Vraiment. Vous êtes à Sleep No More actuellement. Mon beau-père et moi. Mix avec Charles. Madame de Fire. Super. Un remake de Madame Doubtfire où il se prend pour Charles Aznavour. Moi je bah, okay. J'ai donc... embauché Nounou, c'est Charles Aznavour. Mais en fait c'était lui. Oui, je m'occupe de l'enfant. Vous êtes parfait. Parce que quand embauché. Il parle, quand il dit des phrases, c'est sur l'air de bien voir les comédiens. Pas forcément, c'est une autre chanson. Ah oui. Mais c'est pas bien que ce soit que sur l'air. Je vais nourrir le bébé. Oh, excellent. J'adore cette chanson. Voilà. Donc en Belgique, pardon, oh, ça m'a fait beaucoup de bien. Un homme donc aussi, a refusé de quitter son domicile. Oui. Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben. Il a été tué par la police. Car tué, rappelons-le, à cab. À cab. Charles Aznavour, un avis sur la police? Il faut devenir. Il y en a des biens. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il bah, est... ah, ils ont pourquoi construit il un truc. Ah, ils ont construit quelque chose tout autour, c'est ça? Alors pour répondre à la question, il ne voulait pas quitter, parce qu'il était attaché à sa maison, il ne voulait pas lâcher oui, son petit lopin de terre. Y avait, Tristan Lopin de terre d'ailleurs. Bien sûr, de... tout à fait. Il y a un promoteur immobilier qui allait faire un centre commercial, il fallait raser la maison. Qu'est-ce oui, car c'est un ancien Goonies, tout simplement. Effectivement. C'est Choco. c'est Choco qui a maintenant 87 ans et vit en Belgique. Non, c'est super. Il dit je me suis pas payé cette maison avec le trésor avec de Willy Le Borgne pour la revendre à n'importe qui, à Edouard Leclerc. Non mais du coup ce qui s'est passé c'est qu'un effectivement un rond-point a été construit autour de sa maison. Ah, c'est-à-dire que ah, sa maison est au milieu c'est trop et il y a un rond-point de. C'est vraiment la il va mourir chou. Donc lui. C'est vraiment la soupe au chou. Ouais, il y a un mec. Il va sortir, il va sortir faire ses courses, il va se faire renverser par une voiture tout de suite. Bah, il y a peut-être un peu. En fait, oh. il cherche juste. Donc à la le maison chasser, est quoi. Un rond-point maintenant. Bah, c'est ça. La maison est un rond-point. Il a acheté sa maison il y a 40 ans en raison de son bel emplacement. Une maison trois façades avec de grandes fenêtres et un jardin. Après avoir refusé toutes les propositions qui lui étaient faites, sa maison finit par se retrouver seule au milieu d'un rond-point destiné aux bus qui l'emprunteront dès que la liaison sera mise en place. Mais malgré tout, l'octogénaire refuse toujours de partir. J'ai 80 ans. Déménager à mon âge n'est pas une option. J'avoue, c'est horrible. De plus, les sommes qui lui ont été offertes pour acheter sa maison ne lui auraient pas permis d'en racheter une similaire dans la ville. Et bien qu'il n'y ait plus beaucoup de verdure autour de sa maison, il continue à trouver que la vue y est belle. Avec les nombreuses illuminations sur le nouveau bâtiment de la gare, on a l'impression que c'est Noël tous les soirs. Dit-il à nos confrères. Je l'adore. Il aimerait seulement une haie plus haute pour que la vue de son jardin soit à nouveau verte. On va l'inviter à l'Olympia. À Lille, pas loin de la Belgique. C'est un Belge. Je crois. Allez, il vient. C'est un Belgique. Il n'y a plus rien. Il est tard. C'est quoi, je suis une merde. Franchement, giflez-moi la gueule. Ouf, je crache dedans. Non, mais Adrien. Quoi ? Mais quoi ? Oh, non, mais cracher, bah, c'est roasté beaucoup là. Non, bah, alors, on joue à être violent et puis en plus, t'as dit va te faire foutre, c'est pas. C'est quoi, vrai, tu... c'est pas fou. Alors, j'ai dit aux auditeurs que vous étiez invités, donc ils ont des questions à vous poser. Déjà, j'ai une question pour tout. L'assemblée, vous serez présent à Série Mania ? Parce que David. Moi, oui. Toi, t'es à mais Série pas Mania. Pour Derby Girl, pour Visitors. Ah, pour Visitors, exactement. Et pour allez. Derby Girl, c'est à Cannes Série ? C'est aussi à Série Mania ou pas du tout ? Non. Non, c'est à Cannes Série où il y a Derby Girl. Et ça, si tu y seras, Alison ? Cannes Série, oui. Cannes Série. Ouais, ouais, c'est parce que c'est collé plus ou moins. C'est en mai, je crois, Cannes Série. C'est le week-end prochain. C'est le week-end prochain. Bah oui, tu m'étonnes. Ah, bah, tu m'étonnes. Et bah, du coup, si vous voulez voir Adrien, il sera à Lille. Ouais. Oui, après, le week-end prochain. Bah, si et Alison de Lille. Signera des photos. Si vous voulez voir Visitors, de Jean Louis-Val, de midi à midi et demi, le jeudi. Donc, Sophie Marie. Je t'écoute. As-tu prévu d'écrire un nouveau livre ? Non. Pas du tout. Voilà. Je vais enchaîner sur une autre parce que ça a été un peu succinct. Comment tu vis l'ascension de à bientôt de te revoir ? Est-ce que ça te rajoute une pression ? Est-ce que tu te sens aussi libre qu'avant ? Etc. Etc. Merci pour cette question. C'est une super question. Ça me fait plaisir. Je me suis rendu compte il y a 2 semaines que j'avais la pression. En fait, je m'en suis rendu compte un dimanche soir et j'ai appelé Alison tout bonnement en pleurant. Je lui ai dit, je suis pas capable, je vais pas y arriver. Voilà. Après, j'en ai parlé à ma psy parce que quand même, je veux pas charger la pauvre Alison qui a rien demandé. Et qui n'est pas rémunérée pour faire ce travail. Alors la réponse est oui, ça met plus de pression parce que je me rends compte que en fait, jusqu'ici, je me disais, je suis en impro, donc j'ai toujours une marge de progression. Et si on me dit c'était pas bien, je peux dire, bah ouais, mais j'avais rien préparé. Ouais. Tu vois. Et que au bout ah, d'un ça marche moment... plus ça, au bout d'un moment, merde. On est beaucoup là-dessus nous aussi. En fait, j'en ai beaucoup parlé avec ma psy qui m'a dit il faut accepter d'avoir des responsabilités et ça fait aussi partie de ne pas se mettre une balle dans le pied du fait d'être de ne pas avoir fait d'études pour de ne pas avoir machin que d'accepter que de réussir c'est pas mal. Voilà. Donc du coup ça n'empêche pas, je vais toujours chez Aldi et j'ai toujours envie de faire des bourguignons le vendredi soir pour mes copains, mais par ailleurs c'est vrai que je reçois des gens qui sont de plus en plus renommés, de plus en plus hein, et avant j'avais moins l'impression parce que c'est des gens que je connaissais. Ouais. Maintenant je les connais plus, donc je me dis merde, peut-être qu'ils me passeront pas le fait que c'est pas bien. Ouais. Et est-ce que ça va matcher ? Est-ce que ce genre de stress c'est ça. Ou, voilà. Et quand ça matche pas, ce qui arrive parfois, c'est pas grave. C'est pas grave, il faut travailler en fait, il faut avoir un backup. Et ça, j'ai pris conscience et de ça. Et est-ce que t'as pas un peu plus maintenant même. Alors t'as toujours eu du public, parce que avant tu enregistrais à la Nouvelle Scène, mais maintenant c'est plus gros, c'est à la Scala. Ouais. Est-ce que ça rajoute du plaisir, du quelque chose ça parce que tu faisais de la scène à une époque ouais. Pas mal. Ouais. Oui. Oh, ouais. Oui. Au centre, tu sais. Ouais. C'est, je vois bien. Il est très, très bon animateur. J'apprécie. Tous ces airs de chérubin. Un centon de Provence. Accrochez-moi à un rétro, si vous voulez que je vous dise. Potentiellement du bon merch. Vraiment, vraiment, je le prends. Non, mais tu sais, un petit. Les petits. Pardon, je t'interromps, prie, mais juste les angelots. Vous aviez pas ça, vous, sur vos sapins de Noël ? Des petits angelots ? Oui, au sommet. Un avec ta tête. Ok. Si je peux me glisser dans le truc. Bah, mets-toi. Toi, un angelot, toi, moi, un lutin. Ah ouais. Accroché sur le. On a le temps de voir venir. Ouais, pas ouais. Tout de suite. Bah, pas mal. Méfiez-vous, parce que ça peut arriver très, très attention, vite. Je sais que dans vos auditeuristes, vous avez des gens qui sont des entrepreneurs. C'est vrai. Donc, voilà. L'appel est lancé si vous fabriquez des décorations de Noël. L'horreur. Le fait d'avoir plus de public, c'est génial parce que ça fait un troisième invité, enfin une troisième personne sur scène, et donc on, non seulement on brive le quatrième but. Oh là là, elle perd ses dents. Et en plus de ça, ils sont vraiment. Tout le monde est très content, que ça soit France Télévisions, Binge et moi, et eux aussi, j'ai l'impression, d'être vraiment des intervenants à part entière. Et donc ils vont de plus en plus loin dans la broncherie. La broncherie d'ailleurs n'est jamais finie, je crois. Exactement. Oui, bien sûr. Voilà, j'ai répondu à ta question. Merci d'avoir posé cette question à la personne qui a posé la question. Allison. Allison. Est-ce que tu aurais envie de retourner sur YouTube? Parce qu'en fait, c'est vrai que tu avais une chaîne YouTube par le passé. Donc, est-ce que ça te dirait, avec cette chaîne ou non, mais de refaire des vidéos peut-être plus courtes, même si sur la fin, votre chaîne YouTube, ça devenait assez ambitieux. Des courts-métrages. C'est ça, ça devenait vraiment. On est devenu fou allié. Non, mais oui, mais j'y retourne de temps en temps avec grand plaisir. Et j'aimerais bien, j'aimerais bien y revenir. Bien sûr, ça dépendrait du temps, parce que c'est assez chronophage comme métier. Surtout quand on fait, quand on a une idée, qu'on veut la mettre en place, faire le montage, tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais oui, avec plaisir. Mais j'ai fait Brocéliande cette année. Oui. C'est une série sur YouTube. Ouais, je retourne sur Internet avec plaisir. J'ai une série sur Instagram d'Arthur Vautier. Projet Pieuvre. Oui. Mon Dieu, quel enfer, j'ai un trou de mémoire. Elle a trop de projets. J'aime bien les formats web, j'aime beaucoup ça. Ouais. Donc avec grand plaisir, j'y retourne quand je peux, j'y vais. Ouais. Trop bien. Question pour Adrien. Allez. J'aime beaucoup tes dessins. Et okay. Je me demandais comment tu te sentirais si je me faisais tatouer l'un d'eux. Alors je sais pas si c'est une vraie question, genre je veux le faire, est-ce que j'ai le droit? Mais en tout cas, ça ouvre la question à est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être... délire. Faut voir, je sais pas. J'avais, je crois, raconté l'anecdote de la personne qui m'avait envoyé un DM pour dire est-ce que je peux me faire tatouer ce dessin de toi? Et j'avais pas répondu. Et il avait dit bon bah du coup t'as pas répondu donc je l'ai fait, et m'avait envoyé une photo de... C'est pas vrai. Alors, j'étais pas ultra chaud, c'est pour ça que j'avais pas répondu. Ouais. Mais dans l'absolu pourquoi pas, mais... Mais de toute façon t'es sous MS-DOS, toi t'es en open source, non? Ouais, après en vrai les normalement les comment dire, un visuel de tatouage ça se vend quoi normalement. Oui. Donc pourquoi pas. Non mais à la limite faire des dessins, faire des flashs. Ouais. Pour que les gens puissent se les tatouer, j'aimerais bien faire ça. Ah, après, voilà. C'est pas spécialement destiné. C'est au cas par cas, j'en sais rien. Oui. Donc ça te fait pas spécialement plaisir en soi. C'est les gens. Ça me fait plaisir qu'on apprécie mes dessins, mais oui. Je pense que je préférerais faire des dessins destinés à être tatoué parce que je trouve pas forcément que moi tous mes dessins se prêtent à ça quoi. Ouais, mais c'est intéressant. Voilà, c'est tout. Non, mais bien sûr. Une nouvelle porte s'ouvre. Une petite planche de flash. Bien sûr. Vous avez picoré là-dedans. Sophie Marie, comptes-tu faire... Ah, c'est marrant parce que ça rejoint un peu la question d'Alison. Comptes-tu faire de nouveaux courts-métrages comme tu l'avais fait sur Internet, ce qui était adapté de ton livre, L'Art de la Guerre 2, dans toutes les bonnes librairies, dans toutes les FNAC, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te revenir à ça, en tout cas? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te plaire? En fait, je suis en train de réfléchir à... faire une adaptation étendue, parce que c'est pas stricto sensu du tout, du podcast On est chez nous, pour le cinéma. Ah, donc, génial. Voilà, donc comme une sorte de mezzé, mi-documentaire, mi-fiction, mi-voix off. Mais bon, comme on le sait, c'est difficile, on adore les voix off, mais il faut vraiment que ça soit bien effectué. Il bien faut sûr. Pas que ça soit... Ça, c'est moi. Tiens. Vous vous demandez sûrement comment j'en suis arrivé là. Non, j'ai changé. Revenons 3 ans auparavant. Ouais. Vous voyez le mec stylé? Non, moi je suis derrière. Voilà ça. Donc j'ai très envie, j'avais en projet de faire une série que j'ai un peu laissée de côté parce qu'en fait ça me faisait peur et j'ai accepté que j'étais pas aussi cool que ce que je pensais être, à dire ouais j'écris une série, c'est super, je vais la faire machin. Je trouve que quand les choses deviennent réelles, j'ai lu ça dans la bio de Helmut Fritz d'ailleurs, dont quelqu'un s'est fait tatouer le nom. C'est toi? Et c'est lui même. Non mais c'est ouf quand même. Oui, c'est vrai. Ah, quand les choses deviennent réelles, tu te dis ah oui, il faut le faire en fait. Bah, et parfois, tu te rends compte que t'as pas les épaules en fait, tout simplement. Et des fois, il y a la fatigue aussi. C'est long à faire des trucs. C'est vrai que quand on voit maintenant des films, des séries, des pièces, qu'importe, une forme d'art, quelle qu'elle soit, qui soit pas genre un livre ou un 5 minutes de stand-up que tu peux travailler, bien sûr, mais ça va, c'est assez immédiat comme effet. Je trouve que moi, quand je vois un film, même que j'aime pas, je sais que c'est des héros, les gens qui les ont fait. Parce qu'il faut vraiment ne penser qu'à ça, ne faire que ça, et potentiellement divorcer, parce que tu fais chier l'autre pendant 5 ans avec ça. Et donc, c'est déjà une forme de comment on appelle ça, pas de martyr, abnégation. Ouais, abnégation, ouais, c'est ça, merci. Une question aussi pour Alison. Alison. Je t'ai trouvé super dans la saison 3 d'Irresponsable. Oh, merci. Est-ce que vous pourriez faire un spin-off sur ton personnage? C'est oh, rigolo quand même. C'est trop gentil. Bah oui, ce serait, parce que c'est vrai que t'arrives tard dans la série, oui. Alors que bon. Est-ce que je pourrais, bah moi toute seule, non. Non. Mais je ne sais même pas s'ils en ont. Ah si, je crois qu'on en avait parlé avec Frédéric Rosset, pour... mais en rigolant. Ouais. Mais parfois, tout ce qu'on dit en plaisantant, on ça le pense. Devient... Ce qui pourrait être pas mal, c'est que. Comme un sac genre, banane flotte casse. Peut-être, voilà, peut-être qu'il faudrait le dire plusieurs fois et ça me donnerait des idées. Et peut-être qu'elle pourrait être du coup assez proche de son banquier. Qui serait le même Adrien, que oui, celui de son frère, enfin de. Adrien voilà, est, tu vois. Ouais, après, est à chaque fois qu'Alison et Adrien ils jouent quelque part, moi j'ai envie de faire des spin-offs sur eux. Donc, oui, cela dit, c'est vrai. Ouais, vraiment. Complètement. Non, mais c'est vrai, elle pourrait avoir oui, sa petite vie à Rennes, tout ça. Elle, bah oui, ouais, tout à fait. Et ébéniste à Rennes, quoi. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus, pardon, de Platonique? La prochaine série. Oh là là, ouais. La fameuse phrase, je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire bien ou sûr. Non. Alors, là, est-ce que oui, bien sûr, c'est donc Camille Rosset qui a écrit Irresponsable avec son frère Frédéric, bien sûr. Qui a en fait coécrit cette série avec Élie Gérard. Exactement. Ils l'ont co-réalisé également. On l'a tourné l'été dernier à Bordeaux avec Camille Rutherford. Rutherford et Maxence Tual. Exactement, exactement. Camille Rutherford aussi... qui a été nommée meilleur espoir. Évidemment. Pour Felicita. Évidemment, super comédien. Super, et d'ailleurs, super. Felicita, incroyable film, ouais. Que je vous conseille vivement avec Pio Marmaille entre autres. Et voilà. Effectivement, Camille Rutherford. Et c'est un très très bon film. Réalisé par. Ah, j'essaie de travailler ma mémoire et j'y arrive pas, bien sûr. C'est le mec qui a fait Héros avec Michael Youn. Tout se recoupe. Sophie Marie, me regarde pas comme ça. Tout se recoupe. Est-ce que c'est un spin-off de Félie Tarzan? Oh là là. J'ai hâte qu'on soit vieux pour oh là de vrai. Là. Le oh là là. Vous allez mettre oh des rires de Noël, mettez des rires. Non. On laisse le silence, par au pitié. Au contraire, c'est un très bon silence. Non, et qu'est-ce que Chita, le chien ah, donc ça, ça raconte donc Platonique en fait, donc c'est l'histoire donc de donc Camille joue Elsa et Maxence joue j'ai oublié son nom. Donc voilà. Ouais. Bon, alors c'est voilà, faut savoir que j'ai un problème, je pitch très mal. C'est une catastrophe. Ah si. Oui. Tiens, là, je sais plus ce que c'est. Pourquoi le titre, Platonique? Pourquoi le titre? Parce qu'en fait, ce sont deux meilleurs amis. Ils ont 35 ans, ils sont chacun en couple. Ouais. Ils ont un enfant de leur côté. Ouais. Et à l'épisode 1, ils se séparent. C'est une catastrophe. Non, elle nous fait un séquencier de Platonique. C'est horrible. Excellent. C'est horrible. Non, c'est terrible, c'est une maladie. Non, mais c'était pas si mal. Non. Ils se séparent et ils n'ont pas les moyens de prendre un appart avec deux chambres. Donc ils disent, bon, bah on se met en coloc. Ah, voilà. Ok, pas mal. Et du coup, début de amitié, amour. Est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas? On ne voilà. sait pas, je ne peux pas vous dire. Ça y est, c'est bon. Moi, ça m'a rehooké à la fin. Et moi, je suis une de leurs meilleures copines. Je gravite autour d'eux et je suis persuadée, moi, du coup, quand ils se disputent, je leur donne des conseils en tant que couple très et ça les agace. Bien, très D'accord. bien. Et je suis agaçante. Et tu as une idée un peu de quand ça sort Oui. Ah bah dis donc. Ça sort début avril. T'as dit oui alors que t'en as aucune idée. Attendez, on me l'a dit. Ah non, mais non, mais pourquoi t'as dit je oui pense que ça, je pense que c'est vers le mois de mai. Vraiment. Okay. Et d'ailleurs il y a et aussi... dedans il y a Edgar Yves qui fait du stand-up. Bien sûr, très drôle. Il y a Baptiste Le Caplain oh, tiens, et Alexandre Kominek. Voilà. Oh là là, des gens très marrants. Et voilà. Joséphine Non, Demeaux. Joséphine Demeaux. Et Claire Dumas. Bah voilà, bon, très. Qui est dans Toutou Youtou à Série Mania, je le promote tout le monde. Très joli casting. Très moi j'ai passé l'essai, c'est Alison qui l'a eu. Ah, oh, c'est fou. Ah bah alors vous savez quoi? Ça fait karma. Trop plaisir. Tu le savais on pas. Parlait du karma. Moi je devais jouer Mother Blocker dans Derby Girl. Ah bah tiens. Je savais même pas. Tu savais pas? Oh mais là là. Mais... Et il m'avait dit oui. Et puis ensuite. Mais c'est fou. La chaîne a dit Non, on voudrait. On va prendre la vieille de Quentin Dupieux. Et donc ils m'ont fait repasser des castings que j'ai ratés. Ah oui, tu les as pas juste ratés, visiblement. En fait, tu les as... oui, j'avais passé une première partie de casting et puis bref, la chaîne. Enfin bon, il y a plusieurs personnes qui décident quoi. Ouais, bien sûr. Des ouais, on voudrait la revoir, on essaie tout ça. Ils avaient changé plein de rôles. À ce moment-là, ils avaient rebattu les cartes. Oh là là. Et là, je me suis plantée. Aïe, et on en rit encore de ça. Je devais faire semblant de me doucher. Et il m'a dit, mais je sais pas, fais un truc qui te détend. J'étais hyper stressée. Donc, faire semblant de faire quelque chose. Moi, je suis nulle en mime. Ouais. Donc, c'était terrible. Grâce au Seigneur. Faire semblant de me doucher. Et là, il me dit, fais un truc. Je sais pas, chante une chanson a cappella. Et là, je chante... I'm a Scatman, qui est la pire chanson à faire à cappella. Sous la douche. Nous avez tip tip tip. Et c'est vraiment tout ton personnage qui pourrait chanter Scatman dans Derby Girl. Voilà. Donc ça. Voilà. Donc voilà. Ah, c'est je savais pas. C'est fou. C'est marrant parce que faire passer des castings et des essais, c'est autant mon truc préféré que le truc que je déteste le plus. Parce que quand ça se passe bien, c'est vrai que c'est vraiment un bonheur. Enfin, on rigole, on se marre. D'un coup, et puis surtout quand t'es auteur-réalisateur, ton personnage existe pour la première fois. Et tu te dis, et ça te donne des idées, et c'est super nourrissant. Fais, vas-y, on teste ça. Et quand ça se passe pas bien, c'est horrible, quoi. Parce que t'as quelqu'un dont tu fais perdre le temps, tu sens que ça marche pas. Non, mais c'est vrai. Oui, non, mais parce que ça me fait. Pardon. C'est un exutoire, mais là, la dernière fois, j'ai raté un casting aussi. On m'a dit, on va la refaire, t'étais vraiment pas drôle. Oh là là. Horrible. Moi, j'ai passé un casting il y a quelques mois pour un truc, genre un truc sur TF1, une série, un truc comme ça, un rôle. Bon, clairement, j'étais pas du tout bien pour le rôle. Le remplaçant avec Joey Star, il va faire Joey Star. Non, mais bon, c'était pas du tout. Bon, j'y suis allé parce qu'il faut y aller, quoi. Ah bah, faut faire la quicheta, hein. C'est ça. Mais c'était un rôle sérieux, quoi. Là, pour le coup, c'était pas un truc drôle. Et donc, j'ai senti tout de suite que ça correspondait pas. Et donc, on l'a fait une fois, deux fois. Et au bout de la troisième fois, la meuf, elle a fait OK, Adrien. Genre, vraiment, le truc. Alors que j'étais. C'était pas du tout drôle, quoi. Elle a vraiment fait. D'accord, Adrien. Arrête. J'ai fait. Bon, bah, ça doit être raté, du coup, j'imagine. Je me sentais bien en plus. Enfin, en le faisant, je voyais que c'était raté. Mais peut-être ne ris pas de ma performance sous mon nez. Bah, ouais, c'est quand même. Voilà. Bah, c'est pas facile, hein. On le sait, on l'a déjà dit 100 fois. Les castings, c'est pas évident. Voilà, hein. Vrai exercice. Il y a pas très longtemps. Pardon, t'allais enchaîner sur autre chose. Non, c'est juste qu'il est 37. Ouais, et que j'ai peur mais attends, elle gère son temps. C'est une femme libérée et indépendante. Et c'est vrai que c'est pas si facile. J'ai passé un essai. La meuf était vraiment désagréable avec moi, en me disant, au fait, on a changé le texte, donc... ta gueule. Il y avait genre deux pages de texte, tu vois. Ah ouais. Elle me dit, en fait, tu fais pas ça, mais tu fais donc la première phrase, la cinquième, la douzième. Ah, et donc, je dis, bah attends, tu me laisses 5 minutes pour lire le texte. J'étais passablement énervée. Et elle l'a pas bien pris. Et du coup, j'essaye quand même de me tenir. On commence, et je dis, excuse-moi, coupe la caméra. Oh, en quelle année? Et non, je lui ai dit vraiment, alors c'est bien simple, toi ton intérêt c'est de montrer des bons essais, moi c'est d'en faire des bons, donc mets-toi avec moi et sinon on le fait pas, c'est pas grave. Oh, je t'aime. Donc oui, Sophie Marie, parce qu'il va falloir que je te le fasse partir, on va faire les recommandations et tu vas commencer. Qu'est-ce que tu recommandes aux gens qui écoutent cette émission qui est le Floodcast? Donc en termes d'œuvres, hein, on est d'accord. Hein. Ce que tu veux, ouais, ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Alors, j'ai vu un film que j'ai détesté. Allez, j'ai vu une punchline, je me casse. Hein, non, mais je suis allée voir un spectacle qui va tourner et que j'ai adoré. Je m'en souviendrai toute ma vie et qui m'a donné une idée de business dont vous entendrez parler bientôt. Ça arrive lourd ou pas? Enfin, dis-moi que ça arrive lourd. Je vais être l'arnaqueur de Tinder. D'accord, en fait. Okay, j'ai vu le périmètre de Denver, le spectacle de Vima Laponce qui est absolument incroyable. Ah, incroyable. Ouais. Qui va tourner, je pense, pendant 2 ans maintenant parce que tellement c'est fou. Et sinon, j'ai vu un film que j'ai haï du début jusqu'à la fin qui s'appelle Fresh. Donc tu ne le conseilles pas? Non, pas du tout. Grâce à Patrick Beau qui m'a donné ses codes Disney+. Sympa. Pour que je regarde le show show que j'ai adoré et qui inspire tout mon habillage de à bientôt te revoir vidéo. Okay. Mais Fresh, c'est un film où c'est un gars qui, une meuf en galère date un gars qui est génial finalement après un milliard de dates foireux et en fait il l'emmène en week-end et il la drogue et il l'attache et il lui dit en fait je vais, elle lui dit tu vas me violer, elle dit non je vais juste prendre ta viande petit à petit. Donc c'est sur Disney+, Hammer, ça. C'est Disney+, ils sont ils sont chauds. En l'occurrence c'est des, c'est pas en France, c'est pas le même Disney Plus qu'aux États-Unis. Oui. Et en gros, ils sont beaucoup plus libres, mais c'est plutôt cool parce que c'est ce qui fait qu'on a Pamentomy par exemple. Oui, parce que Pamentomy aux États-Unis, c'est pas Disney Plus, c'est Hulu. Donc c'est vrai. Voilà, c'est pas la même politique. Donc, donc et c'est pas un bon film parce que à la limite un pitch chelou, mais si c'est bien traité, c'est pas un mauvais film, c'est bien joué, c'est anxiogène, et tout, mais c'est vraiment oui, c'est pas agréable à regarder, c'est, mais c'est bon, on a compris en fait qu'il faut se méfier des gars et qu'ils peuvent nous droguer, nous découper, peut-être qu'on peut passer à autre chose maintenant. Et surtout que l'issue du film, c'est j'avoue un bon spoilé, homme, mais je j'en ai rien à foutre. Quel accord. On peut pas spoiler un bon film. Tu penses vraiment ça? Allison, quelque chose que tu as aimé récemment? Je peux passer à Adrien et comme ça t'as le temps de chercher. Et ça peut être n'importe quoi. Ce que tu veux, film, musique. Alors... Et c'est pas forcément un truc récent, ça peut juste être un truc que t'as goûté récemment. La dernière fois j'ai conseillé un film des années 70. Donc, tu vois, c'est pas... Adrien, je vais dire son sperme. Vas-y. De quoi? Comment? Mon sperme, t'as dit? Non, mais non. Est-ce qu'il dit c'est un truc que t'as goûté récemment. Adrien, un truc que t'as kiffé. Alison n'a pas goûté mon sperme. Hein. Je préfère juste. Non, mais t'as raison, faut clarifier. Non, les non, mais. Bah, enfin. C'est drôle parce que j'ai raté un truc parce que comme je réfléchissais, j'ai pas écouté. Oui, du coup, et là, contexte... j'ai entendu Alison n'a pas goûté mon sperme. Oui, c'est hors contexte. Ce qui est vrai, tu l'as dit, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, oui, c'est vrai. Regarde, je ne peux pas mentir. Oui, voilà. Tu as quelque chose en magasin? Oui, j'ai revu il y a pas longtemps Footloose. Oh, oui, j'ai jamais vu Bacon. C'est super. Ah ouais. Moi, je vous le recommande. C'est vraiment touchant. Je ferai pas l'erreur de te demander de le résumer. Je vais essayer de le pitcher. Oui. Ok, ok. Kevin Bacon, il habite à Chicago avec sa maman, mais ils ont plus d'argent. Elle perd son taf et tout. Elle revient dans sa ville natale et c'est une petite ville de province où il y a eu un problème il y a 5 ans. Grave, et depuis la musique et la danse sont interdites, le rock'n'roll est mal vu. Et lui, il adore ça, danser, il comprend pas, et là, mais je comprends pas pourquoi on peut pas danser. Donc il va se battre pour que la danse et la musique rock'n'roll soient. Au nouveau accepté. Accepté, ouais. Accepté. C'est fou qu'ils aient jamais fait un remake urbain, enfin tu vois, avec du hip-hop et machin. Génial. Non mais c'est. Ça aurait peut-être pas forcément été bien, mais en tout cas, c'est fou qu'il se le soit pas dit, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Bah, peut-être que. 1984. Le nombre de projets qui ne se font pas, ça se trouve. C'est vrai. Et mon cousin, ouais. Florian Gaden, fait de très beaux dessins que je l'ai encouragé à poster sur sa page Instagram, il en avait pas avant. Et il me peint Kyoto. D'accord. Voilà. Tu peux redire le nom pour que les gens puissent le noter. Florian Gaden. Et si on met ça sur Insta, on peut tomber sur son profil. Il est sur Instagram. Comme un gadin. Gadene. Gadene. Ok. Très bien. Adrien, une recommandation culturelle? Eh ben écoute, moi je vais re-recommander un truc que j'avais déjà recommandé il y a longtemps. C'est un podcast qui s'appelle Dead Eyes. En gros, le pitch, c'est un acteur qui, il y a du coup très longtemps, avait passé un essai pour la mini-série Band of Brothers sur HBO. Et pour lui à l'époque c'était ouf parce que c'était genre c'était réalisé par Tom Hanks et tout, donc c'était vraiment un gros truc, c'était sur HBO, donc lui c'était un gros casting quoi, il était vraiment content. Et il a passé le casting, il a eu le rôle, donc il était ouf. Et quelques jours plus tard il a reçu un appel de l'assistant directeur de casting qui dit ouais, faudrait que tu viennes repasser les essais parce que Tom Hanks a vu la vidéo et il trouve que t'as des dead eyes, genre le regard mort quoi. Oh non. Ce qui est flatteur quoi, t'as envie d'entendre ça. Et du coup le mec repasse les essais et n'a pas le rôle finalement quoi. Et du coup lui il a un peu gardé le traumatisme de ça, de genre mais putain c'est horrible. Il s'est posé mille questions, genre mais est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui a interprété et qui a pris l'initiative de me dire ça en fait? C'est parce chaud. Que tu le dis pas en fait, tu dis juste viens repasser les essais quoi. Ou alors il y a c'était le truc le plus positif qui restait. Ouais, enfin tu vois toutes ces questions et du coup c'est tout un podcast là-dessus sur essayer et puis en fait ça ne parle pas que de ça parce qu'après il extrapole justement à les rôles, enfin il interviewe par exemple il interviewe le mec qui a eu le rôle à sa place, il interviewe plein de trucs comme ça. Ça c'est très stylé parce que souvent les podcasts américains ils ont un truc où le sujet de base est très spécifique où tu dis bah du coup va pas y avoir beaucoup d'épisodes comme My Dad Wrote a Porno qui est un des trucs les plus connus où c'est un mec qui se rend compte que son père a écrit des pornos. Ouais. Mais en fait ce qui est incroyable c'est qu'à souvent ça devient de plus en plus grand, fat et fou quoi. C'est qu'il extrapole justement à toutes les espèces de galère de trucs de comédien, d'identité, et puis comme ça a commencé à cartonner, il a eu des invités genre Seth Rogen, Zach Braff, enfin vraiment des gens connus. Il a jamais eu Tom Hanks ? Bah, c'est un peu le final. But. En fait, je pense qu'une fois qu'il aura Tom Hanks, il est obligé d'arrêter l'émission quoi. Et du coup, moi j'écoute la troisième saison, je crois là, et ça vaut le coup. Enfin, c'est vraiment bien. En plus, même je pense si on n'est pas acteur, il y a quand même un truc sur le rejet, l'image de soi et tout qui est vachement intéressant. Et je pense que ça vaut le coup parce que là le dernier épisode il est vraiment il est trop bien quoi. Et du coup ça vaut le coup quand même de commencer au début de tout écouter et de pour écouter là le dernier épisode. Très bien. Voilà. Super. Mais c'est d'ailleurs la personne qui lancera un business de traduction de podcast. Après voilà, tu perds forcément toujours un peu un truc parce qu'il y a de la spontanéité des choses, mais ou juste adapter des podcasts en livres, enfin tu vois, qui résument le truc ou des choses comme ça. Voilà, une idée de business que je lance aussi aux gens. J'ai pas le temps là, je suis déjà sur mon autre business plan. Sur les assiettes avec ton nom dessus. Non. Vous en saurez plus bientôt. Bientôt. Lourd. Est-ce qu'on est prêt? Non. Bien sûr que non. Vous êtes pas prêt. On n'est pas prêt. Et ben moi, ma recommandation, en fait, c'est une petite astuce pour faire de la promo, puisque je vous recommande le film Funny People de Judd Apatow. Ah mais oui. Mais en fait, pourquoi je vous recommande ça? Je pourrais pas y être parce que je serais à. Salimania. Oui, oui. Mais c'est pas grave. Écoute, moi j'y serais puisque Funny People de Judd Apatow, qui est un de mes films préférés, qui est un film sur le monde du stand-up et sur justement. Une star du stand-up qui apprend qu'elle a une maladie grave et comment tu gères quand t'es quelqu'un qui est censé être la personne la plus drôle du monde le fait que tu vas mourir et c'est plus large que ça parce que c'est quand même un film qui dure 2h20 mais moi je trouve qu'on les sent pas passer parce que c'est vraiment, ça aborde énormément de sujets qui moi me touchent beaucoup, famille et humour, c'est plus ou moins les deux seuls trucs qui m'intéressent et donc bref ce film là de Judd Apatow qui est un film que j'adore avec Adam Sandler, Seth Rogen, on en parlait, Leslie Mann, il y a beaucoup de gens très stylés. Gilbert Ruchel. Non. Il joue pas. Mais non, je crois pas. Non, ça c'est dans Knocked Up. Mais il y a Jason Schwartzman dedans, par exemple. Ouais, bon, il y a beaucoup de gens. Et puis de toute façon, il y a plein d'humoristes aussi qui jouent leur propre rôle. Gilbert Ruchel. Aubrey Plaza. Non, mais il y a. Je suis fou. Arrête. Arrête. Il y a Justin Long qui fait un caméo. Peut-être tu l'as confondu avec. Non, mais il y a pas John Hale. Si, il y a John Hale. Ah, alors. Un glossaire, les frères. Ok. En tout cas, je vous conseille ce film. Mais si vous êtes à Paris, je ne vous le conseille pas parce qu'on le diffuse le samedi 19 mars au Forum des Images avec les gens de chez Panic Cinéma. Et je suis trop content de le diffuser au cinéma parce que c'est vraiment un film que j'adore et c'est vraiment un film qui a fait très très peu d'entrées. C'est un film génial et je suis trop content de pouvoir le présenter sur un grand écran. Donc on vous attend très nombreux, il y a plein de tarifs spéciaux pour les étudiants, les abonnés UGC, les trucs comme ça, donc voilà, l'idée c'est que ce soit pas trop rush, donc merci encore aux gens de Panic Cinéma et je vous invite vraiment à le voir si vous n'êtes pas à Paris, mais si vous êtes à Paris, le voir au ciné c'est quand même beaucoup plus cool, l'expérience de la salle, tout ça, en plus il n'y a plus besoin des masques au ciné, donc c'est quand même plutôt cool, bien sûr. Et en plus après la séance vous pourrez discuter avec Florent. Bah en vrai avant on va faire un petit truc autour du film. Non mais dans la rue ils peuvent faire des hugs et tout. Mais peut-être même une soirée chez WAM peut-être. Peut-être une soirée chez WAM derrière. Soirée défonce. Exactement. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Oui. Où on habite? Oui, exactement. L'adresse et le digicode si possible. Alison, donc Derby Girl saison 2 qui arrive très bientôt. Sur Slash, puis Platonique sur OCS. Voilà. Le court-métrage de Éléonore Coste. Ah, tu es dedans? Oui, je savais pas. Avec génial. Sébastien Chassagne, on se connaît un petit peu. Un frérot, tu dirais que c'est un frérot. Voilà. C'est un peu un frérot. Hein. Et j'ai des amis qui l'ont vu et qui m'ont dit que c'était vachement bien. Hippocampe. Ah, je l'ai pas vu. Bah non, mais des amis qui connaissent le Real et donc machin. Et qui, apparemment, c'est vraiment bien, très bien. Apparemment, c'est très bien. On avait des doutes, non pas du tout. Non, j'ai très hâte de le voir. Voilà. Ouais. Il va sortir sur YouTube d'ailleurs, je ouais, pense. Ouais, bah oui, c'est ça. Ouais, sur carrément. Le YouTube. Le YouTube. Et voilà, voilà, voilà. C'est bien déjà. Oh, oui. Et puis peut-être un petit concert de flûte à l'Olympia. Très bien. On croise les doigts. On croise les doigts. Sophie-Marie Larousse. Ouais. À bientôt de te revoir. À bientôt te revoir. Il y a un épisode, un enregistrement par mois. Le prochain, c'est début avril, le 4 avril très précisément. Avec, je peux déjà annoncer les invités en exclusivité. Ça sera la première fois que vous l'avez entendu, c'est sur Floodcast. Exactement. Mmh. C'est Tabouafs. Oui. Et Béatrice Dalle. Ouh. Oui. Je viens premier rang. Ça s'annonce culte, si vous voulez mon avis. Voilà. Très bien. Et Derby Girl saison 2 également. Derby Girl saison 2 et Des gens bien ordinaires sur Canal, mais je sais pas quand. Alison, peut-être tu sais quand. Je vais m'enseigner. Oui, cela dit, c'est en avant-première, je crois, quelque part, puisqu'elle c'est est. En... Mais Olivier, oui, elle est membre du jury à Salimania. Exactement. Ah oui, c'est vrai. Je crois que c'est diffusé à Cannes Série. Non, c'est pas. Oui. Oui. Parce que c'est Canal Plus, donc j'imagine que c'est diffusé à Cannes Série. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. Oui. Voilà. Oui. Adrien. Et ben du coup Derby Girl aussi saison 2. Saison 2 évidemment, le magicien. Ouais. Je fais pas de magie dans la saison 2. Non, on a vu la deuxième saison, elle est chambée. C'est vrai, moi aussi je l'ai vu, grave. Je suis grave intégré dans cette équipe. Visitors. Qui, de Simon Astier. De Simon Astier, qui va sortir bientôt aussi, je sais pas. En AVP à Sérimania. Absolument. Si vous êtes de. La nuit des comédies. Voilà, ce week-end. Voilà. Et puis MST de Mr. V. MST sur de Mr. V, moyennement sûr du titre. Voilà, donc ça sort aussi début avril. L'émission en elle-même sort début avril sur Canal+. Mais pas mal de sketchs, une bonne partie des sketchs va sortir sur YouTube avant. Sur la chaîne YouTube du Studio Bagel tous les 15 jours, je crois, à peu près. Un truc comme ça. Ouais, même toutes les semaines, je pense. Hein. Non, parce qu'ils ont d'autres trucs. Les mecs, si ça sort début avril et qu'il y en a 4 ans. Je suis pas sûr qu'ils sortent tous avant l'émission. Si. Ah, ok. Et bah, donc toutes les semaines. non, mais voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Et ouais, dont un que j'ai écrit aussi. Et on était directeur d'écriture tous les deux avec Adrien sur cette émission. Donc, quelle voilà, belle nouvelle. Un vrai plaisir. Et consécutivement. Bah, consécutivement, bon, enfin, bon, oui. Bref. Et voilà, et moi j'ai rien d'autre à ajouter. Ah si, la tournée de Baptiste Le Caplain, bien sûr, qui continue. Donc n'hésitez pas à aller sur baptistelecaplain.fr et voir s'il passe près de chez vous. Voilà. Donc, merci tout le monde. Allez sur linktr.ee/floodcast, tu voulais acheter un lien qui donne. Non, mais Linktree, c'est ça le truc, c'est Linktree, mais linktr.ee/floodcast, et il y a tous les liens pour acheter des places. Qui reste, ouais, à Toulouse. Qui reste à Toulouse. Mais là où on parle, il y en a déjà beaucoup moins. Donc je sais pas s'il en restera encore d'ici là, mais il en reste. Voilà. Putain. Et d'ailleurs, Sam, tu me tends une magnifique perche là que je saisis. Bah t'es Jean-Yves Fionne, vas-y. Une perche que je saisis pour vous remercier une fois de plus d'avoir pris des places pour la tournée du Floodcast, parce que c'est quand même une folie que vous ayez rempli. On s'y attendait pas. Bon, vraiment, je sais que ça fait un peu fausse modestie nulle, mais moi, sincèrement, je jure que je ne pensais pas qu'on remplirait aussi vite. Mais oui, bah dis, je suis stressé, on va pas. J'espérais, remplir, on avait toujours notre petite méthode à dire de toute façon, ça remplit pas, on annoncera les invités, on profitera, on sucera le buzz de nos invités. Qu'on connaît pas encore. Bah, là, on a rien, hein, faut le dire, on a des envies, des idées, mais pour le moment, on a rien. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais c'est vrai qu'il y a quand même. Va falloir bosser quand même. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Je sais tout faire. Je sais tout faire. Faut que j'aille en retard. Allez, c'est parti. Merci tout le monde. Bisous. Merci, bisous, au revoir. Il s'agissait du flow de cast. Pardon. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40€ remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la.